Et ben voilà, pas de changement ce soir à la première place du classement, toujours Didier Snake avec Justin Bieber avec le Let Me Love You. Je vous redonne le top 5 de ce soir si vous avez raté un bout de l'émission. 5, il y a moins de place pour Calvin Harris et Rihanna à plus de 5 mois de présence pour le This Is What You Came For et donc toujours dans les 5 premiers. 4e, Félix Dienne qui arrive après 2 mois de présence, c'est le Bonfire, la 4e place. Donc 3e, moins 1 pour Kungs avec This Girl. 2nd, plus 3 pour Major Lazer avec Cold Weather. Et donc à l'instant, toujours numéro 1 depuis la semaine dernière, donc pour la 2e semaine consécutive, DJ Snake et Justin Bieber avec le Let Me Love You. Voilà, fin de radio.fr, rubrique Ordain 25 pour récupérer toutes les infos sur le classement. Les infos importantes, c'était les 3 entrées de ce soir, puisqu'on va en reparler très vite, je pense. Axel et Shapov avec Belong, le nouveau Bob Sinclair qui arrive fort avec Burning, ou encore Feder avec Lordly et la voix d'Alex Ayono. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Retour de l'Eurodance 25 dimanche prochain entre 18h et 20h. Nous on se retrouve à minuit pour Party Fun Deep, histoire de bien terminer le week-end en mode à la cool, en mode Deep House, Tropical House, tous les sons qui vont bien pour bien terminer le week-end. Je vous les mixe tout à l'heure dès minuit. D'ici là, le Night Show à 22h et ils se préparent à côté. Ils sont en pleine forme, ils sont beaux, ils sont. Bah oui, c'est du direct en plus. Ah oui, et en plus c'est du direct. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est ponctuel hein, quand même, hein, ce Mico, hein, vraiment. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, on dirait pas la même chose. Enfin bon, bref. Ah bah non, JB et Adrien la semaine, c'est une catastrophe. Mais lui, alors, il est casse. Hein. Amico, non, c'est vrai. Non, mais attends, c'est pas méchant ce qu'on dit. Non, non, mais c'est vrai, toi, tu es toujours dans la ponctualité. Bah, une émission qui démarre à 20h, pour moi, démarre à 20h. Voilà. Bravo. Ah, bravo. Mais bah écoute, tout est dit. C'est toi qui vas avoir des problèmes du coup. Pourquoi ? Non, non, pour rien. On y va ? C'est parti ? C'est vous qui avez balancé. Allez, salut Amico. Ciao, ciao. On y va. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love is fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir tout le monde! Bonsoir à tous! Bienvenue sur Fun Radio, c'est dimanche soir, et oui! Comme l'a dit le doc, nous sommes en direct et jusqu'à 22h. Et en forme. Pendant 2h, en pleine forme. Et moi, j'ai pas vu le week-end passer. Hein. Sans déconner, je sais pas si. Non, plus. Hein, non, mais c'est vrai, quoi. On était en week-end vendredi. Non, je sais même pas s'il est passé, en fait. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est toujours jeudi soir. Quand on vous avait dit au revoir, on est très content de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de ce week-end. Dimanche soir, là, à la cool, vous allez pouvoir nous appeler. On fait une libre antenne hein, tous les soirs sur Fun Radio. Au standard 01 42 48 5000 pour nous appeler. Il y aura du chiffre d'Alice, du défi, fallait pas demander. Et des animateurs en or. Je m'appelle oui. Karel, Doc est avec nous. Bonsoir. Salut. Doc. Salut à toutes et quelle à tous. Quelle prestance, ça va? T'as passé un bon week-end avec Katoche, Doc? Ouais, excellent. T'as fait l'amour hein? Bah, évidemment. Évidemment, évidemment, Karel, évidemment. Et pas qu'une seule fois. Mais l'amour. Hein, bien par... sûr, bien sûr, bien sûr. Aimer, quoi. Alice. Le verbe aimer. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Ah oui, aimer. C'est ouais, ce moi, j'ai pas beau. Fait l'amour ce week-end. Ah, t'as pas fait l'amour? Non, j'ai fait le ménage. Super. Waouh. Wow. Week-end de dingue. Ouais, il y a des week-ends comme ça. Il donc, était où alors voilà. Ah, bah, il était là, il me regardait. Avec un plumeau dans les fesses. Oui, oui, parce qu'Alice et son mec, ils font des trucs un peu chelous. Ouais, des fois. C'est ça, on aime le ménage en couple. Ils sont là aussi, Godefroy à l'arrière, ça va mon Godefroy? Nickel. Ah super, t'as passé un bon week-end toi? Ouais super. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais à l'anniversaire de ma copine. D'accord. Oh. Et vendredi, j'ai fait du repassage, j'ai nettoyé ma télé. Qu'est-ce qu'elle dit ta copine de tes nuits folles? Ouais. Elle dit rien parce que je suis avec elle. Mais enfin, en ce moment t'es avec une fille mais d'habitude t'es avec des mecs, je comprends pas. Des fois même avec des animaux. Ah oh. Non mais non. Il y avait Kassim, maintenant il y a Godefroy. Non, mais alors, ça ne va plus. Godefroy, je sais pas si je continuerai à discuter avec lui parce qu'il te sort des trucs. Bien évidemment, Godefroy plaisante et ne fait rien. Hein, c'est la connerie. Il est tout rouge maintenant. Un phare d'enfer. Je ne sais pas si je vais demander si Kassim a passé un bon week-end. Non, on s'en fout. T'as raison. Ça va, Kassim? Ouais, super. Ok, merci. Ouais. Et bien sûr, au standard, nos deux beautés, Cindy et Guillaume, ça va tous les deux? Ça super, ouais. Vous avez passé un bon week-end, vous? Ouais, très bien, j'ai acheté Harry Potter, je suis tout pressé de le lire. Là. Mais sans déconner, j'ai vu le marathon. Encore, il y a encore un truc d'Harry Potter. Mais bien ah sûr, oui, ça ne s'arrête jamais. Je croyais que c'était fini, ça. J'ai vu une bande-annonce, je suis allé au cinéma voir les cigognes. Qu'est-ce qu'il fait fils. Là? Il est en maison de retraite maintenant? J'ai vu une bande-annonce. Ah. Mais non, c'est Harry Potter en maison de retraite. Il y a une bande-annonce pour un nouveau film d'Harry Potter qui va sortir. Ouais. Ça va être énorme, franchement. N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée. On a Mathéo, notre auditeur du soir. Bonsoir Mathéo. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Mathéo, t'as 17 ans, t'es de Châteauroux, tu vas faire la radio avec nous pendant les 2 heures là, t'es prêt? Ouais, ouais, carrément, je suis chaud. T'as une petite passion intéressante? Ouais, je suis passionné par les trains. Les trains, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que tu vas même jusqu'à faire des voyages pour photographier des trains. Alors, pour être sincère avec vous, j'ai fait un Lille-Flandre au départ à 9h jusqu'à Bordeaux, et je suis arrivé à 15h juste pour prendre des photos. Eh ben, on ne te juge pas. Et là, t'es rentré. Oui, bah oui. Non, mais quand on a une passion, on fait des trucs de dingue pour ça. Et chacun sa passion, j'ai envie de te dire. Il y en a qui aiment les jeux vidéo. Toi, tu aimes les trains, Mathéo. Et ça nous fait bien plaisir. J'aime Katoche aussi. Ah, bah voilà. Je partage pas. Hein. C'est, elle va aussi vite qu'un TGV. Hein, je peux mais je me suis masturbé sur elle tout le week-end. Non, Mathéo. Tu ne manques pas de respect, s'il te plaît. Tu ne manques pas, sinon ça va mal se passer. Arrêtez. Tu me connais pas. Arrêtez, on est je dimanche. Risque de me fâcher très fort. On est dimanche et c'est déjà le foutoir ici, hein, sans déconner. Mathéo qui fait l'amour avec Katoche, l'autre qui fait l'amour avec les animaux. Non, pas du tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va accueillir Robin. Robin qui va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Robin, 23 ans de Paris. On s'installe, hein, Robin. Ça va, toi? Ça va et vous? Salut. Comment ça va, la famille? Ça va bien, ça va bien. Et Robin, tu nous appelles pourquoi? Alors, j'ai une petite question. Voilà, je suis en couple avec une fille depuis 3 semaines. Bon, ça se passe bien. Je dors chez elle, elle dort chez moi de temps en temps. Ouais. Et j'ose pas péter quand elle est là, quand elle est dans la chambre, quand tu dans la même pièce qu'elle. Et du coup, j'ai super mal au bide. Donc, je voulais savoir à partir de quand je peux me permettre de me lâcher. De péter avec elle. On s'apprête, ouais. Si tu veux bien. Non, mais attends. Je te répondrai, attends qu'elle le fasse. Oui. Bah, mais tu peux toujours attendre. Elle l'a déjà fait. Non, mais ça, c'est une vraie bonne question. À partir de quel moment on est. Enfin, il faut être à l'aise avec la personne, c'est tout. Je veux dire, après, tu peux te lâcher, sentir ton pet, le faire sentir à ta partenaire, ouais, enfin, et faire des petits. Non, mais je vois que tu partages des choses très agréables. La vie en couple a des. Non, mais autant surprises. Tu vois, je pète jamais en société, mais dans le cocon familial. Bon, une petite perlouse, hein, n'a jamais tué personne. Hein. Et toi, Alice, tu pètes devant ton mec? Bah écoute, ouais, ça m'arrive. Ah ouais, tu lâches des petits. Est-ce que genre vous faites des petits jeux? Attends, celle-là, elle est pour toi. Bah écoute, quitte à péter, c'est ce que je dis toujours à Cassie, mais à nos gros porcs dans le bureau, parce qu'ils sont toujours en train de péter. Ouais, voilà. Mais en fait, ils le font, mais c'est même pas drôle, il y a juste l'odeur. Mais quitte à péter, je trouve ça plus drôle qu'il y ait un petit bruit, que ce soit un peu sympa, qu'on en rigole. Tu vois, je savais qu'Alice aimait la musique. Voilà, je suis. Ouais. Je savais qu'Alice était musicienne. Alors que le petit pet en fourbe, tu vois, t'es avec ton mec, tu sais que ça pue, mais tu vas pas lui dire t'as pété parce que ça fait pas longtemps que t'es avec, et puis en même temps t'as envie de lui dire parce que t'as peur qu'il pense que ça vient de toi. C'est horrible cette situation. Donc ouais, non, mieux vaut l'assumer. Hein. Bah en oui. Fait, oui ouais. Je rappelle que tout être humain se nourrissant normalement, habituellement, sans excès, lâche à peu près 5 flatulences par jour. 5 flatulences par jour. Bah pour certains c'est plus. Hein. Mais alors moi. Non mais eux ils bouffent comme des porcs. Ah ouais. J'ai une question Doc. Pourquoi est-ce qu'on pète en fait? Pourquoi ça parce que ton tube digestif fabrique des gaz. Ouais. Il y a de l'air. Ouais, bien sûr. Une radio, parfois, c'est très important. Mm-hmm. Il faut bien que ça sorte. Alors, ça sort soit par le ro, soit par l'anus. D'accord. Tu choisis ta voie. C'est de l'aérophagie, en fait, c'est ça. Hein. Alors, aérophagie, c'est en général dans l'estomac. Donc, c'est les mecs qui rôtent comme des porcs. Je suis sûr qu'il y en a ici qui doivent rôter comme des porcs. Bien sûr, Godefroy. Tout à fait. Si, si, il le fait. Et c'est normal, enfin, dire tout. Oui, c'est normal. Après, quand on a le tube digestif irrité ou qu'on mange un peu trop, on peut produire beaucoup plus de gaz. D'accord. Il y a beaucoup de tubes digestifs irrités ici, dans cette équipe. Il y a des gros producteurs. Ah, il y a des gros producteurs de pète. Parce qu'ils augmentent la couche d'ozone quand même. Enfin, il paraît que les vaches qui pètent, ça augmente la couche d'ozone. Je suis pour créer un impôt supplémentaire pour ceux qui pètent plus de 5 fois par jour. D'accord. Eh ben, Robin, tu es taxé. Tu es taxé de 1 euro par paix à partir d'aujourd'hui, d'accord Robin? À partir de 5 paix, okay, tu es taxé d'un euro. À partir d'aujourd'hui, je suis taxé, écoute. Hein. Robin, de toute façon, à un moment donné, si t'as envie de péter, ne t'en retiens pas. Hein. On va dans une autre pièce. Oui, bah, les toilettes. J'essaye de me déplacer, mais quand je me lève, elle me fait « tu vas où ?» Bah, je vais péter, ma chérie. Je suis un homme. Non, mais je pense que là, il a raison, car tu lui dis carrément, tu lui dis la vérité. Bah, écoute, j'ai des gaz. Non, mais. Non, mais attends, à un moment donné, je vais te dire une grande nouvelle. Tu veux savoir quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Elle aussi. Elle pète. Elle pète même pendant la nuit, ça se trouve. Alors, si tu veux, elle doit savoir. Pas, non, mais attends, elle sait ce que c'est. Mais c'est vrai que dans un couple comme ça, une espèce de respect, entre guillemets, je pense que le respect, je le place pas au niveau des paix, enfin, pour dire la vérité. Je le place peut-être à un autre niveau dans la relation. J'élève un petit peu le niveau de relation, si vous me permettez. Bravo, Doc. Moi, je vais un petit peu le rabaisser. Tu devrais faire un petit jeu avec elle, genre, tire sur mon doigt, et là, tu lâches une perlouse. Et là, je veux dire, petit humour, petit brin d'humour, ça fait jamais de mal. Et on est bien, Robin, d'accord? Ok, ça marche. Alors, on l'embrasse, en tout cas, bon courage à elle. Salut, Robin, mais c'est bien d'avoir déjà attendu, hein. Tout le monde ne le fait pas, hein. Je pense que cette nuit, à le faire. Ouais, il peut se lâcher. Gaspard est avec nous sur Fun Radio, il a 12 ans de Paris. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Karel, bonsoir le doc, bonsoir Alice, bonsoir toute l'équipe, ça va? Bonsoir, salut. Ça va bien. Gaspard, toi tu as une petite question toi, à 12 ans tu veux savoir quoi? Je voulais savoir à quel âge on avait son sperme. Ah bah oui, t'as hâte hein. Ah bah oui, c'est vrai, t'attends ça comme un cadeau de Noël. Mais ça je vais réfléchir. Voici Mike Perry sur Fun Radio. You can be my guiding light. Mike Perry sur Fun Radio, The Ocean. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On est filmé et en direct, en streaming, hein, sur le site de funradio.fr tous les soirs. N'hésitez pas à vous connecter. En plus, vous allez pouvoir mater un petit peu ce qui se passe dans les cieux de Love in Fun. À nous appeler aussi au standard 01 42 48 5000. Il y aura du son et du bon avec Sia dans pas longtemps. The Greatest sur Fun Radio. J'adore ce son, c'est tellement bon ça. Et le clip à matin, si vous l'avez pas encore vu. D'ailleurs, on a vu le nouveau clip de The Weeknd. Franchement, il est juste énorme. Ouais, il est juste oufissime. Il est filmé à la première personne. Et c'est un petit peu comme dans le jeu vidéo GTA en fait, scène de braquage et tout. The Weeknd, on écoutera d'ailleurs tout à l'heure avec les Daft Punk, Starboy. En attendant, on lit vos messages qui sont déjà nombreux. Merci beaucoup sur le Facebook, le Twitter et le Snapchat Love in Fun Radio. Un message de Virginie sur le hashtag Love in Fun. C'est parti pour Love in Fun pendant 2 heures. Ça fait trop du bien de vous retrouver enfin après le week-end. Et une question de David. Est-ce qu'on peut attraper la varicelle une deuxième fois? Non, a priori non. Sauf si on a un déficit immunitaire ou une maladie avec une immunité déficiente. Non, en revanche, on peut avoir un zona qui est autre chose. C'est le même virus, mais c'est pas du tout la même manifestation. Varicelle, non, pas deux fois. Merci, Doc, pour toutes ces précisions. Ah, mais je pensais qu'il y avait deux messages, moi. Ah bah, il y en avait deux. J'étais en train de faire un Virginie, petit stop. Virginie, David, ça fait deux. Eh ben, on va accueillir Gaspard, 12 ans, de Paris. Bonsoir, Gaspard. Bonsoir, Karel. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Salut, Gaspard. Gaspard, tu faisais quoi, là, en ce dimanche, fin de journée, là, en train de nous écouter, toi? Je faisais rien, j'étais dans la chambre, je faisais mes devoirs. D'accord, voilà. Cool. Et tu t'es dit, je vais leur poser une question parce qu'il y a un petit truc que je sais pas là. Ah. Bah non. Oui, ma question c'était. Ah, je te lançais pour que tu poses ta question. Ne sois pas intimidé par Karel, bah, détends-toi, tout va bien. Il a vachement peur de moi. Hein. Oui, un peu. Du coup, ma question c'était pour savoir à quel âge on avait son sperme. Voilà. Au moment de la puberté, donc la puberté démarre à des âges différents chez les garçons, ça peut démarrer à 10-11 ans comme ça peut démarrer à 14 ans. Ils font que ton organisme atteint un degré de maturité sexuelle pour qu'il y ait production de sperme, tout simplement. Donc, chez certains garçons, pour être très concret, tu peux avoir émission de sperme à 11-12 ans, comme tu peux avoir émission de sperme à 14-15 ans. Voilà. D'accord. Et toi, t'en es où ? Tes testicules sont comment ? Petits, gros Allez, sors le paquet. Non, mais attends, je te demande pas si ça va, je te demande comment ils sont. Ils ont grossi ou ils sont toujours comme il y a 2-3 ans ? De quoi ? Tes testicules. Tes couilles. Oui, oui. Ah. Elles sont autrement, grosses. Autrement appelées testicules. Attends, t'as des grosses couilles, des petites couilles ? Moyenne, ça va. Donc c'est en train de grossir, tu as une pilosité qui apparaît, ton sexe a commencé, ta verge, pardon, a commencé à grandir, n'est-ce pas ? Oui. Et t'es en pleine puberté, ça va venir. Tu grandis aussi D'accord. plus vite, n'est-ce pas ? Tu grandis plus Et vite. Et la première fois que ça arrive, on a mal ou Non, l'orgasme, génial. Jusqu'à preuve du contraire, rarement douloureux. Déjà, ça donne beaucoup de plaisir, oui, bien sûr, parce que l'émission de sperme est liée à l'orgasme. Et l'orgasme donne beaucoup de plaisir chez les garçons, oui. Alors, il y a un truc quand même, Doc, c'est que moi, j'avais essayé juste avant d'avoir vraiment du sperme. Tu peux avoir un orgasme. Et je me souviens que ça m'avait fait comme de l'électricité. Ah, ça s'appelle aussi un orgasme. C'est un truc de ouf. La première fois, tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. C'est vraiment. L'orgasme existe également avant la puberté, bien sûr, c'est possible. Bah voilà, Gaspard. Hein ? Ok. T'inquiète pas, ça va arriver. Mathéo, notre auditeur du soir, il a quelques années de plus que toi. T'as 17 ans, toi, Mathéo. Tu te souviens la première fois que t'as éjaculé Ouais. Et ça a tellement été fort que je l'ai reçu sur la bouche. C'est-à-dire, tu t'es vraiment chuté dessus. Mais oui, c'est vrai. Genre, ça faisait au moins 2 ans que ma puberté avait commencé. Mais genre, ça a giclé et c'est arrivé sur la bouche. Bon, après, j'ai goûté et tout. Et puis voilà, quoi. Oh, mais putain, c'est dégueulasse. Je savais qu'on allait être dans la finesse. Ok, donc, note pour plus tard. J'arrête de parler avec Mathéo aussi. Gaspard, ne t'inquiète pas. Hein, tu n'es pas obligé de t'éjaculer dessus la première fois. Hein, d'accord hein ouais, fais où tu peux. Salut, Gaspard. Ciao à toi. Salut mon poteau, et on va accueillir dans un instant Mathieu, 25 ans de Tours. C'est sa copine qui ne ressent aucun plaisir quand il la pénètre. Il sait plus quoi faire. Et ça, Doc a des solutions. Hein. Vraiment, moi, dans ma vie sexuelle, il m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Ouais, et je peux vous dire que le cas était difficile. En me conseillant, je suis très difficile, voire désespéré. Je suis devenu un bon coup presque, hein, Doc, hein, grâce à toi. On va pas jusque là. Comment devenir un bon coup ? Les mecs, les filles, vous allez tous savoir dans un instant. Maître Doki va tout vous dire pour atteindre l'orgasme. En attendant, voici The Weeknd et les Daft Punk, du bon son là pour terminer le week-end. Starboy. Point to just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby, you talking money need if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull up in that roadster. King, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. Man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. The Weeknd, Daft Punk, Starboy sur Fun Radio. Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs, 01-42-48-5000. Si vous avez besoin de conseils, vous voulez voilà, tout simplement venir nous parler. Si vous avez un petit souci aussi, hein, quand quelque chose ne va pas, vous savez qu'il y a l'appel à l'aide à tout moment, hein, pour vous. Nous, on discute tous ensemble. Venez poser vos questions. On a un vrai médecin qui est avec nous. Ouais, je suis là. Ouais, c'est le toubib qu'on aimerait tous avoir. Ouais, c'est vrai. En plus, nous, il nous fait pas payer. Donc ça, c'est quand même plutôt avantageux. Oui, bien sûr. Je me déshabille, Doc. On fait comme d'habitude. Hein, tu pratiques ta passion du toucher rectal, c'est ça, Doc? Non, je ne hein fais pas de toucher rectal. Allez. Ne fais pas de toucher rectal. Mais t'en as jamais fait? Quand j'étais à l'hôpital, je soignais des adultes. Ça m'est arrivé extrêmement rarement. D'accord. Mais il t'est déjà arrivé de débloquer des situations dangereuses? Non, tu sais que... Non mais attends, c'est très important ce que tu dis là. Tu sais que normalement un médecin doit dire au patient, je dois pratiquer un toucher rectal, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Et si le patient dit qu'il n'est pas d'accord, il ne doit pas le faire. D'accord. Ouais. Donc, mais comment il fait pour savoir du coup s'il a un problème au cucu? Ah ben, il y a d'autres moyens d'exploration, mais si quelqu'un n'est pas d'accord pour subir un toucher rectal, il a le droit. Eh bien voilà, vous le savez, si voilà, vous refusez le toucher rectal, le doigt dans le cucu, vous pouvez le faire, sachez-le. On va prendre des nouvelles d'Anaïs, avec qui on a vécu un moment à la fois triste et ouf. Enfin, ouais, je sais pas, c'était un truc de dingue. Anaïs, t'as 21 ans, t'es bordelaise. On a fait cette semaine avec toi le sexy chocolat. T'es là, Anaïs? Ah oui. Salut Anaïs. Salut. Bon, alors, on va prendre des nouvelles. Hein. On était obligé de façon de t'appeler. Nous, on se posait plein de questions. On en sait un petit peu plus parce qu'on s'est eu hors antenne, mais on va le dire à tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer juste pourquoi tu nous avais appelé à la base par rapport au sexy chocolat? Donc à la base, je voulais tester mon petit copain sur qui j'avais quelques doutes en ce moment. Ouais. Voilà, enfin, il ne touchait plus, je faisais genre je téléphone ça, bah, inquiétude normale. Et bah du coup j'ai appris qu'il était en couple avec un mec depuis quelques mois. On va réécouter maintenant. J'espère que vous n'avez rien entendu. Anaïs, elle est comme ça. En termes de teasing, elle est nulle à chier. Hein. C'est-à-dire que elle nous a. Non mais Anaïs, le suspense est total. Que s'est-il passé? Nous écoutons. Allô? Oui, bonsoir. Je parlais à Maxime, s'il vous plaît. Oui. Ah, je suis content de vous avoir au téléphone. C'est vous, Maxime? Oui, pourquoi vous m'appelez en masqué, c'est qui? Alors je vous explique, nous sommes la chocolaterie Sexy Chocolat, on vient d'ouvrir une boutique à Bordeaux là cette semaine. On se permet de vous appeler, je sais qu'il est un petit peu tard, mais là nous on est une boutique qui ferme à 22h. C'est plutôt pour une bonne nouvelle en fait. Je me permets de vous appeler ce soir parce que j'aimerais vous offrir des chocolats gratuitement. C'est une petite publicité qu'on se fait comme ça pour justement peut-être que à l'avenir vous pourriez passer dans la boutique. Alors c'est quand même des coffrets chocolat d'une valeur d'une cinquantaine d'euros qu'on va envoyer à la personne de votre choix. Ce sont des chocolats érotiques. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voudriez faire plaisir à l'élu de votre cœur? Ouais, moi en fait c'est très simple. Il me faut un prénom et un petit message et je m'occuperai d'envoyer le coffret. D'accord. Je vais l'envoyer à Vincent. À Vincent? Ouais, à Vincent. D'accord, c'est donc votre petite amie. Voilà. D'accord, très bien. Donc le message pour Vincent, s'il vous plaît. Je pense fort à lui, j'ai hâte de le retrouver, je lui fais plein de bisous et je l'aime. D'accord, je mets les cœurs qui l'accompagnent, bien sûr. Je suis pas trop cœur, mais si vous voulez. Ouais. D'accord, je peux mettre aussi des choses un petit peu plus hard, hein, si vous préférez. Non, je suis soft dans ma personnalité. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc je note le message, je vais vous passer tout de suite ma collaboratrice, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Vous ne quittez pas, mais c'est moi qui vous remercie. Merci de faire confiance à la chocolaterie Sexy Chocolat. Je vous la passe. Merci. Elle s'appelle Anaïs. Pardon? Allô? Ouais, c'est quoi cette connerie encore? Bah, c'est toi, explique-moi là. De quoi, explique-moi? Bah, tu te fous de ma gueule, ça attend, enfin, ça fait un an qu'on est ensemble, là, bah, ouais, j'apprends que t'es gay, quoi. Je suis pas gay, c'est une... Vincent, c'est un pote, c'est juste une connerie, là, ton truc. Explique, faut que tu lui expliques maintenant, Anaïs, hein, où il est, là. Bah, t'es sur Fun Radio, hein, voilà. Ok. Bah ouais. Bonsoir. Bah ouais, enfin attends, je m'inquiète. Enfin, ça fait 2 mois que tu me touches plus, plus rien. Enfin, je me pose des questions. Enfin, je me suis dit, il y a une fille derrière. Il y a peut-être quelque chose à dire, non? T'as pas quelque chose à lui dire? Je suis sûr que t'as quelque chose à lui dire que tu n'arrives pas à lui dire. Voilà, bon, puisque je suis là, du coup, je vais en profiter. Hein, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix, mais bon, c'est peut-être bien pour toi et pour elle. Bah, ça fait quelques mois que j'ai rencontré Vincent. Mmh. Et au début, c'est le pote à Mathieu, tu vois Mathieu. Et bah oui. Puis bah, j'ai accroché avec lui, j'ai testé un rapport homosexuel, mmh. ça m'a plu. Puis du coup, bah, on s'est revus plusieurs fois à mes pauses déjeuner, etc. Mmh. Et puis bah, maintenant, avant c'était juste l'expérience et puis l'envie, puis maintenant j'ai des sentiments pour lui. Et tu comptais me le dire un jour ou traîner le truc? Parce que, enfin, je sais pas, ça fait presque 6 mois qu'on habite ensemble et tout, enfin voilà quoi, là... J'ai jamais voulu te faire de mal, Anaïs. J'espère que tu le comprends. Et quelque part, ce soir, vous êtes, ça y est, tous les deux au courant. Je crois qu'il va falloir discuter et faire les choses bien, quoi. Tu vois, d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est important. T'es d'accord, Maxime? Bah moi, oui, je suis d'accord. Bah faut mettre les points sur les i, quoi. Ce soir, non. Je pense qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps. On va prendre des nouvelles. Dimanche, on t'appellera, si tu veux bien, Anaïs, okay. Pour savoir un petit peu comment ça se passe avec Maxime. Merci beaucoup, en tout cas, Maxime. Merci à tous les deux. Et à bientôt, Anaïs. À bientôt, c'est maintenant. Et oui, puisqu'on est dimanche, et Anaïs, depuis quelques jours, tu as appris la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que tu peux tout nous dire? Eh bien, donc du coup, attends, c'est quand déjà? C'était mercredi, enfin bref, je sais plus, mercredi. Ouais. Donc du coup, bah, jeudi, on a fait nos journées chacun de nos côtés. Ouais. On a discuté par message, il m'a demandé de tout qu'on fait se voir. Ouais. J'ai dit, écoute, ce soir, je n'ai pas la tête à le voir, franchement, je n'ai pas envie, voilà. On s'est vu vendredi soir. Mmh. Il m'a demandé s'il pouvait venir avec ce fameux Vincent. Ah oui, carrément. Au début, ouais, voilà. Présenté, oui, d'accord. Hein. Voilà, au début, donc j'étais un peu sur les nerfs, en mode, oui, tu te fous de ma gueule, j'attends. Putain, c'est pas possible, quoi. Et au final, je fais, bon, ok, mais je te préviens, je sais même pas qui me parle et tout. Enfin, je le tolère, mais c'est tout, quoi. Enfin, on s'est retrouvés dans deux endroits neutres, du coup, parce que je voulais pas qu'on se retrouve ni chez nous, ni ailleurs. Bien sûr. Oui. Voilà. Du coup, on a discuté, machin, tout ça. Donc ce fameux Vincent en mode je suis désolée, je voulais pas te piquer ton copain, je savais pas qu'il avait une copine, machin, mais bon ok, c'est bon, bref, abrège quoi. Et du coup, donc on a fini par bien s'expliquer, mettre les choses au clair, tout ça. Et donc bah moi je suis retournée chez papa, maman. Ouais, voilà. Lui a gardé l'appart, puisque bah moi franchement, enfin moi je suis encore en études, tu vois, donc bah j'allais pas le garder, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es très triste? Est-ce que tu es malheureuse là? Elle a pas l'air, hein, franchement. Non, mais je voudrais savoir. Bah, ça fait mal. Mais en même temps, c'est quelque chose de quasi imparable. Il est devenu homosexuel. Il était peut-être déjà. Ouais. Et ça, tu peux rien. C'est pas vraiment une tromperie. C'est un changement, ouais. Sauf qu'il s'en est pas rendu compte avant. C'est ça. Ça va. Enfin, pas que ça va. Enfin, ça fait du mal, forcément. Hein. Ça fait un an que j'étais avec. Donc, bah. Voilà quoi, on n'oublie pas un an, on a un claquement de doigts. Hein. Ouais. Au moins il était honnête aussi avec toi, parce qu'il ne couchait plus avec toi, donc ce qui prouve que visiblement de ce côté-là, il était très clair. Mm. Voilà, mais par gentillesse, et souvent par gentillesse, on ne dit pas les choses, alors qu'en fait, finalement, c'est encore plus douloureux de l'apprendre secondairement. Mm. Là, c'est fait. Mm. Tu l'as eu au téléphone depuis ou pas, non? Bah, on s'est vu vendredi soir. Samedi, on a continué à discuter par SMS. D'accord. Moi, je suis restée à la partie tout le week-end. Et dimanche, on s'est revus parce qu'il m'a aidé à emmener mes affaires chez mes parents. Tout ça. Toi, tu vas bientôt avoir un nouveau meilleur ami, hein, je te le dis, hein, Anaïs. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être pouvoir continuer de vous voir. Je pense pas qu'elle soit dans cet état d'esprit là maintenant. Non. Être meilleure amie avec le mec avec qui j'ai couché pendant je sais pas combien de temps, peut-être pas quand même, pas abuser non plus. Non, puis non, enfin non, enfin on verra peut-être qu'il y aura autre chose entre nous de différent, mais pour l'instant non, enfin. D'accord. Il va avec son Vincent, il m'emmerde pas. Vas-y, dégage. Ça, oui, non, mais je pense qu'il y a quand même, bon voilà. Tu comprends la situation en même temps, t'as quand même. T'as pas envie de les voir, quoi. Voilà. Ah non. Ce qui après, est assez. Non, mais attends, il est heureux, tant mieux, hein. Voilà. Oui, non, mais probablement qu'un jour, peut-être, tu accepteras de le revoir, mais il faut que du temps passe. Parce qu'il t'a même le deuil d'une relation à faire, tu t'étais vraiment engagé, faut pas oublier ça. Hein, c'est pas. Même si. Ok. Ouais. Bah Anaïs, on te fait des gros bisous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir tenu comme ça ta promesse en venant ici ce soir pour nous raconter ce qui s'était passé après. Nous, on te fait des gros bisous. On te souhaite de trouver la bonne personne, hein, le bon mec. Ouais, oui, on verra bien. D'accord, Anaïs. On t'embrasse fort. Y a pas de souci. Allez, gros bisous. Alors, je vais juste te dire un truc, Anaïs. Il paraît que le Facebook de Love in Fun, c'est le meilleur site de rencontre en ce moment. Hein. Tout le monde pécho sur le Facebook de Love in Fun. Mais attends, moi, je pense qu'elle a besoin aussi de métaboliser ça. Elle a bien raison, Antoine. Le métabolisme, bien sûr. Et de laisser un peu de temps pour pas, voilà. En tout cas, ne te culpabilise pas, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est pas à cause de toi, c'est sûr. Doc, c'est le seul mec que je connais qui utilise le mot métabolisme. T'as le don de remonter le moral. Ouais. Hein, Naïs qu'est-ce que t'as dit? On t'écoutait pas. Je t'ai dit qu'il a le don de remonter le moral et de faire rire, tu vois. Mais bien sûr. Bah oui, il est là pour ça, Doc, tu sais bien. Anaïs, on te fait des gros bisous. Merci beaucoup, ma chérie. Salut. À très bientôt. Gros bisous, à bientôt. Salut Anaïs, c'est Charline nous rejoint, 24 ans d'Arcachon. Bonsoir Charline. Salut Karel, salut le doc, salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça va bien Charline, dimanche soir à la cool. Qu'est-ce que tu faisais toi ce soir en écoutant la radio là? Bah écoute, j'étais en train de regarder la télé. Ah, il y a quoi la théoche? Sorry, j'ai mes maris. Ouais, c'est de la merde. C'est, non, mais franchement, c'est génial. Ah ouais, t'aimes bien? Mais coupe le son et écoute-nous, tu vois, c'est vachement mieux. Charline, on va parler de quoi? Mais en fait, il y a mon mec qui est devenu fan de tuning et là, j'en peux plus. Je sature. Fan de tuning, il tune sa caisse, quoi. Voilà, c'est ça, tout d'accord, à fait. D'accord, on va en parler. Des passions envahissantes dans une relation, parfois, ça fout souvent la merde. On en parle après Major Lazer. plus je le kiffe. Ce sont Major Lazer et Shotek, Believer sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On lit vos messages pendant toute l'émission sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de messages qui sont arrivés, Alice. On a reçu un message de Liette, ouais, qui nous dit: au Canada aussi on aime bien l'humour, du coup on vous écoute tous les soirs, continuez à nous distraire pendant le boulot, on vous adore. Salut. Et un autre message de Léo: est-ce que les cils repoussent quand ils tombent? Oui. Sauf s'il y a une lésion. Mais bon, on ne peut pas être chauve des cils, ou quasiment pas. Il y a des gens qui ont des cils très fournis, comme Cassim par exemple. Ah oui. Sourcils. Des sourcils, oui. Des sourcils, ouais. Ouais, des cils aussi, des cils très longs. Pas des faux, hein, j'entends les vrais. Mais, ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Et est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, genre, tu sais, tu mets quelque chose à chauffer, tu ouvres le four. Ça brûle. Et là, putain, mais t'as l'impression que... Ouais, moi, ça m'est déjà un chalumeau dans la gueule, quoi. Oui, et là, tu peux brûler tes... Oui. Bah, tu perds. Moi, j'ai déjà perdu des cils comme ça. Hein. Mais pas les sourcils. Ah, mais bah, par contre, tous mes cils, ils étaient devenus tout courts. Ça se voit, Alice, on voulait pas t'en parler. Bah oui. Ça se voit énormément. Bah oui. Non. Bah c'est bien, au moins tu me regardes. Ah oui. Ça me fait plaisir. Et ça repousse, Doc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, heureusement. Oui. Qui s'est déjà rasé les sourcils pour un défi, une connerie Oh là, tu dis ça parce que tu connais quelqu'un qui l'a fait. Non, parce que je serais bien tenté de le faire avec Cassim. Ah, c'est vrai que tu vas faire. Falloir... Ouais. Ah, on t'a déjà fait. On l'a déjà fait. Ouais, mais on n'était pas là. Oui, non, mais si, avec Karel déjà. Là. Oui, parce que je voulais qu'il raconte cette petite anecdote. On m'avait rasé la tête, on m'avait rasé un sourcil, je m'en souviens très bien. Et si vous voulez voir la photo, il suffit de la demander. Hashtag LoveInFun. Voilà, c'est dit. Charline est avec nous, 24 ans, d'Arcachon. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. C'est quoi ce klaxon? Bah, c'est Charline qui va nous parler de son copain qui a la passion pour le tuning. Voilà, donc Charline, oui. Bienvenue. Merci. Tu nous appelles, t'es dans ta polo, t'es dans ton... Pardon. Non, je suis sur mon petit canapé. D'accord. Et ton mec... J'ai laissé les voitures de côté, là, c'est bon. C'est pas toi en plus, c'est ton mec. Il est où ton mec d'ailleurs ce soir? Là, il est parti en week-end, tuning, je sais pas trop quoi, je comprends pas vraiment, donc voilà, je laisse ta passion, mais là, je peux plus. Pourquoi t'appelles exactement? Bah parce qu'en fait, pour savoir si quelqu'un peut m'aider par rapport à ça, parce que je ne sais pas comment lui en parler, mais le problème, c'est que sa passion fait que aujourd'hui, je suis à deux doigts de le quitter, quoi. Mais ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 4 ans que je suis avec lui. 4 ans, que tous les jours, de plus en plus, ou non. C'est nouveau? Mais en fait, c'est tout nouveau. Ça fait 7 ou 8 mois qu'il a commencé à se mettre dedans. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois qu'il avait commencé à voir ça avec des copains sur Internet et tout. Ouais. Est-ce que tu lui as dit clairement que comment? Est-ce que tu lui as dit clairement que ça ne te convenait pas? Oui, surtout dans les magasins. La dernière fois, on part à Noroto parce que je devais me prendre moi des sièges, je crois, des dessus de siège pour ma voiture. Il disait m'aider. Et lui, il a continué. Puis il est allé voir pour sa voiture. Elle était malade, ma chérie, hein. Ça s'entend. Hein. Un petit rhume, si hein. Effectivement, il ne change pas, tu vas le quitter. Est-ce que tu l'aimes? Moi, oui, je suis amoureuse. Parce que, moi, le tunic, je ne peux plus. C'est tout pas, le temps. T'es pas mazo. Non, mais t'as bon, pas envie de souffrir. Non, j'en peux plus, quoi. C'est beauf. Personnellement, attends, on regarde quand j'ai fait un passe. Film, c'est que comme ça. Ouais. Et non, c'est plus possible. C'est tous les jours. Là, il est parti tout le week-end. J'ai même pas de nouvelles. C'est même pas un message. C'est dès qu'il a un moment, c'est même pas pour le passer avec moi, c'est pour le passer avec sa voiture, pour regarder ses gens honte. Je pense qu'il t'aime beaucoup moins qu'avant. Excuse-moi, Doc, je suis dans ma caisse, là, j'entends plus rien. Sincèrement, pour agir comme ça, où il t'a fait, tu fais partie des meubles, ça arrive, les mecs ils se rendent pas compte de ça. Ouais, mais c'est possible, quoi, faut que ça change. Si ça change pas, tu lui dis, je te quitte. Est-ce qu'il le fera, quoi? Personnellement, il est tout le temps. On n'a quasiment même pas un week-end où on est ensemble par rapport à ça. Et puis personnellement, voilà, c'est la musique à fond, le kéké, celui qui aura la plus belle jambe. Oh, bon, voilà, quoi, je suis là, quoi. Est-ce que tu dors avec lui la semaine? Non, parce que le soir, quand il rentre du boulot, il est avec ses copains, avec sa voiture. Bon, donc écoute, j'ai même essayé, hein, un jour je suis arrivée et tout, j'avais acheté des super beaux vêtements. Anaïs. Non, elle s'appelle Charline. C'est Charline. Ah, Charline. Doc s'est drogué ce soir. Hein, non, pas du tout. Mais si il y avait un... Je l'ai pas à sa fiche. Mais c'est Charline. Elle me l'avait donné. Hein. Charline. Non, c'est pas grave. Oui, c'est Charline. Cassim m'a pas donné la fiche. Non mais bien sûr, mais une fois que tu sais que c'est Charline, c'est bon, non? C'est bon. Cassim ne m'a pas laissé. Non mais de toute façon, Cassim, tu sais, en ce moment, j'avais plus d'encre dans mon stylo, alors du coup, j'en ai fait qu'une. Bon, Charline, je suis désolé, je me suis trompé. Non, écoute, c'est très... moi je te dis comme ça, un garçon qui agit comme ça, où tu fais partie des meubles, il est très égoïste, mais il ne peut pas t'aimer, ou alors il t'aime beaucoup moins. Donc c'est la question que tu m'as posée. Tu lui dis, écoute, je vais être très clair. Il ne faut pas culpabiliser, mettre la menace. Dis, écoute, voilà, j'ai une question très importante à te poser. Visiblement, on passe de moins en temps ensemble, on n'a pas de plaisir à être ensemble. Je pense que tu as beaucoup moins de sentiments pour moi, ce que je peux comprendre. Ouais. Il faut que tu sois cash. Bah oui, c'est important. Les menaces ne servent à rien. Alors je vais dire un truc aussi, franchement, Charline, des fois il y a des passions, mais c'est des passions éphémères, quoi. Je veux dire, tu te passionnes pour un truc, ça dure 6 mois, et puis après tu passes à autre chose. Comme t'es, ta copine. Ouais, mais là ça fait 7-8 mois, quoi. C'est, ouais, personnellement, il me regarde plus. C'est avant, il me regardait. D'accord, on comprend. Là, il me regarde plus, quoi. J'avais des beaux sous-vêtements, je suis arrivée, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais t'es pas plus belle que ma voiture. T'es pas plus belle que ma Clio. Je pense qu'il y a des mecs qui sont capables de cela. Oui, je me demande, il fait pas l'amour avec sa voiture, non? Ah ouais, non. Ah bah je me pose la question, franchement. Ah, on déconne. Il lui prend le pot. C'est ça que tu viens de dire? Oui, exactement. Je me pose la question. Dégage. Vraiment. Et Mathéo. Un vrai problème. Mathéo, notre auditeur du soir, lui, il a une passion pour les trains. C'est-à-dire que lui, il ramène carrément des trains dans sa maison. Enfin, c'est un truc de dingue. T'es là, Mathéo? Ouais, je suis là. Bon, Mathéo, est-ce que t'as une copine? Oui. Et comment est-ce qu'elle vit ta passion pour les trains? Alors, pour le moment bien, mais au départ elle vivait très mal parce que une fois elle m'a proposé de venir pour la première fois chez elle. Mmh. C'est donc la première fois qu'on allait coucher ensemble. Sauf que je lui ai mis un gros râteau, je lui ai dit non, je veux pas, je préfère aller voir les trains parce que pour une fois il y avait une loco qui sortait, machin et tout. Enfin, ah du bah coup, oui. Je préfère aller voir les trains qu'elle. T'allais pas rater la nouvelle loco? Ouais, c'est ah, ça. Ah putain, Mathéo. D'accord, elle est quand même restée avec toi? Elle est restée. Oui, elle est quand même restée, ouais. Et maintenant, est-ce que tu vas toujours, t'as toujours autant de passion? Est-ce que tu la délaisses pour les trains? Non. J'essaye de gérer mon temps plus pour être voilà. Mis avec ma copine et mis avec les trains, quoi. Voilà, il faut quand même trouver un équilibre. Absolument. C'est ça qu'il va falloir trouver. Charline, si vous n'arrivez pas à en discuter, à ce moment-là, il va peut-être falloir que tu partes, ma chérie. Ouais, malheureusement. Achète une belle voiture. Hein, et je me demande si quelque part, lui, il n'est pas déjà un peu parti. Ouais, faut te dire la vérité. C'est un peu l'impression que ça nous donne, Charline. Ouais. Tu ne voudrais pas qu'on le teste dans un sexy chocolat cette semaine? Un sexy chocolat à voir, pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Et si, mais bon, après, voilà, étant donné qu'il me répond quasiment rarement quoi que ce soit. Il va nous donner un peut-être qu'aux autres, il répond. Il va nous dire je sors avec Mégane. C'est souvent voilà, le copain qui répond et voilà. Affaire, celle-là. Ah, tu sais quoi, on est dimanche soir, on peut se permettre. Hein. On s'en fout. Hein. Charline, on t'embrasse fort. Écoute merci bien beaucoup, les conseils du doc. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Et si jamais t'as besoin qu'on le teste, on le fera, d'accord? Oui, bien sûr. Ça marche. Bah, c'est gentil à vous de votre part. Ça, c'est cool. Salut Charline. Et on va merci bien, bonne soirée. Salut. Mathieu, 25 ans, de Tours, qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Karel, bonsoir Doc, bonsoir tout le monde. Salut Mathieu, on va parler de sexe avec toi. Non? Tu veux plus? J'ai pas compris, désolé. Et les auditeurs nous entendent pas quand on parle, il paraît. Va falloir qu'on gère ça. Tu nous entends, Mathieu? Je vous entends mieux. 2 plus 2 4. 7 fois 7 47. Ok. Oh, et 49. Et lui, il dit ok. Il a dit quoi? 49, pas 47. Il a dit 47. Il a dit 49. Ouais, il a dit 47. Non, j'ai dit 47. T'as dit 40. Eh ben, t'es nul. T'es nul, Mathieu. Ouais, mais t'inquiète pas. Karel, il sait pas non plus. Donc non, ça va. 7 fois 7, c'est bon. Mathieu, t'as 25 ans, t'es à Tours. Et tu vas nous parler de quoi exactement? Alors, moi, ma copine ne prend pas plaisir quand je la pénètre. D'accord, ok. Bah, tu bouges pas. Et prendre du plaisir pendant les préliminaires. Il est dur à dire ce mot. Les préliminaires. Restez bien avec nous. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Et Sia avec Kendrick Lamar, The Greatest. À tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. C'est ça. Fun Radio. Le son dance floor. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. De 48 5000. Love in fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Un seul numéro de téléphone pour nous appeler, bien sûr, et débarquer à l'antenne en direct. C'est le 01 42 48 5000. Souhaitons tous un bon appétit à Doc. Qu'est-ce que tu manges, la Doc? Un petit morceau de chocolat. T'en as pas un petit deuxième? Je t'ai offert un café parce qu'il pleure la misère. Oh, merci. J'arrive avec un café. Il m'a même pas payé un café. Oui, alors tu m'as dit ta gueule. Ah. Hein, il a fait ta gueule. Non, j'ai une fois, ça suffit. Non, et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il me dit ta gueule, genre, il m'envoie chier et tout, derrière il me paye un café. Non mais c'est ma nouvelle technique. insulte-moi Doc, vas-y. Ouais, c'est le sketch de Derek. Hein? Ah oui, je connais pas. Ah non, Jean-François Derek, ah oui, c'était le Kev Adams de l'époque. il y a quelques années. C'était à l'époque du Moyen-Âge, c'est ça? Non, il existe toujours, mais bon, faut fouiller dans les coins. D'accord, ah. Eh ben, on ne manquera pas d'y aller, de faire un petit tour. Mathieu est avec nous, il a 25 ans, il est de Tours. Bonsoir Mathieu. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Dimanche soir à la cool, là, on profite bien. Et toi, tu nous appelles parce que t'as un petit souci avec ta meuf, là, c'est ça? C'est ça. Ça fait 6 mois que je suis avec, pardon. Ouais. Et elle ne prend pas de plaisir quand je la pénètre. Et après? Pendant tout le rapport, elle bouge pas, quoi. Franchement, je me pose des questions parce que je lui fais des cunis. Alors, elle prend son pied, elle a déjà eu des orgasmes. Ok. Ah oui. Je lui mets des doigts, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès que je la pénètre, D'accord. Limite, donc déjà, fait chier, quoi. Une excellente nouvelle. Ça fait chier. Oui. Une excellente nouvelle. Oui, Doc. Elle a déjà du plaisir. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Elle connaît l'orgasme. C'est encore mieux. Ouais. Donc il n'y a plus qu'un petit travail à faire, mon ami. Bah oui, mais quand il la pénètre. Pénètre, voilà. Le problème, c'est que peut-être ça lui fait un peu peur. Je ne sais pas. Ou peut-être c'est un orgasme juste avant par cunnilingus. Elle a peut-être pas forcément de plaisir. Et franchement, Alors le problème, c'est qu'il faut y aller doucement. Ouais. ressortir et lui stimuler le clitoris en même temps avec ta main, peut-être pas manchot, quand tu la pénètres. La levrette, par exemple, c'est une bonne position pour faire ça, Doc. C'est plus facile pour aborder. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux la pénétrer et en même temps lui toucher le clitoris. Voilà, donc il faut apprendre à la caresser, mais attention, doucement, parce qu'une fille est très sensible. Les mecs pensent qu'il faut y aller vigoureusement, aussi bien dans la pénétration bourrée comme des mulets, comme Cassine, par exemple. Voilà. Ah non, elle est plutôt romantique. Je le défonce. Oh, voilà, donc le mec qui fait comme voilà, ça ne marche pas. Non, ne défoncez personne, les amis. Ça ne, ça ne marche pas. Mais voilà, après c'est une question, ça se passe dans la tête. Alors, il peut que l'intégration dans les médias. Sois patient. Et moi j'ai une question pour les filles. Alice, t'es déjà arrivé de te faire pénétrer et tu t'es dit putain, qu'est-ce que je me fais chier? Oui, c'est déjà arrivé. Mais souvent, c'est parce que tu sens qu'il te pénètre pour lui. En fait, c'est lui qui veut se faire plaisir. Et finalement, je pense que c'est ça. Je pense que Mathieu fait des choses pendant les préliminaires qu'il ne fait pas une fois que son plaisir à lui rentre en compte. Ah, il pense aussi. Hein, je crois que c'est tout à fait possible. C'est justement ce dosage que tu dois savamment utiliser entre ton plaisir et le sien. C'est-à-dire que tu dois être soucieux de son plaisir à tout moment. Non, d'accord. Elle te dit rien. Ah, mais attends, je t'ai pas fait de reproche. Elle m'a déjà dit, elle adore, c'est qu'elle le dit, je vais parler cru. Oui. Mais elle adore me sucer, machin et tout. Elle m'a même déjà dit que j'étais pas mal monté, parce que je suis bien monté. Elle me l'a déjà dit directement. Mais par contre, après, faut que dès que je commence à la rentrer, elle se fait chier limite. D'accord. Oui, mais parce que ça la fait pas fantasmer. Ce qui la fait fantasmer, c'est peut-être effectivement les stimulations clitoridiennes par la bouche, peut-être, pourquoi pas. Et justement, tu dois la faire évoluer sur un autre terrain. Voilà, et puis faut pimenter aussi, n'hésite pas, je sais pas moi. Ah, mais elle est ouverte hein, pourtant, c'est ça que je comprends. Hein. Oui, bah oui, mais elle est ouverte, mais elle ressent rien. Mathieu, sois patient, d'accord. C'est le début, c'est ça. J'ai l'impression qu'il exige qu'elle ait du plaisir. Plus tu vas exiger, moins elle va en avoir. Oui, bah ça c'est sûr. Voilà, mais donc, d'accord. Déjà, c'est vachement bien que t'as appelé comme ça, tu vois, tu penses pas qu'à toi, c'est la preuve que tu. Et puis voilà, quand tu la stimules, ce plan clitoridien, ne va pas jusqu'à l'orgasme, parce qu'effectivement, si tu vas jusqu'à l'orgasme, après, bah, elle est un petit peu. Elle est tout simplement un petit peu. Elle a plus de plaisir, voilà, tout simplement. Okay, Mathieu ? D'accord, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on l'appelle ? Comme vous voulez, ouais. Bon, on va l'appeler. Allez, c'est encore mieux. Comme ça, on va lui demander. Pas. Oui, oui, elle va nous donner sa version des faits, ce qui n'est peut-être pas exactement forcément la même que Mathieu, celle de Mathieu. Bah ouais, ça se trouve, elle va nous dire oh, je me fais chier tout le temps, en fait. Hein. Ça se trouve... Non, mais c'est pas ce que je te souhaite, hein, Mathieu. On va prendre les coordonnées de ta chérie. On va l'appeler dans un instant et on sera aussi avec Pierre Trezon de Nancy, avec qui nous avions fait le défi Fallait pas demander. Franchement, le meilleur de la semaine, un pur défi. Pierre Trezon de Nancy, qui a appelé son papa en lui posant cette question très simple. Tu préfères quoi? Ta voiture ou moi? Il lui a fait croire qu'il avait pété sa caisse. Ouais. Vous en dis pas plus, restez bien ici. Voici Sia, The Greatest, c'est Fun Radio Love in Fun. I'm the youth, ayy. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I fell twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive. Another scar may bless you. I don't give up. No, no. Won't give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. C'est Yav, Greatest sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love Love Fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. J'aimerais qu'on applaudisse Godefroy pour cet enchaînement. Bravo. Bravo. Bravo, Godefroy. C'est important de mettre les erreurs en avant. Hein, j'ai toujours trouvé. On a remarqué qu'en fait, tu remarques que les choses. Tu remarques pas quand il fait bien. Ah, tu plaisantes ou quoi? Alors, moi, je suis pas. Non, non, non, mais quand il fait des bons trucs, je lui dis direct. Hein. C'est pas vrai ça, Godefroy? Non. Si, c'est vrai. Non, mais par contre, je t'accorde que je lui dis pas souvent des bons trucs, parce que ça n'arrive pas souvent. Ça c'est vrai aussi. Ça, t'es dur. Mais non, pas du tout. Alors, on vient d'apprendre un truc là. Ici, à l'instant, Cindy va faire un régime. À partir de demain. Ouais. Cindy. Cindy, t'es super belle, pourquoi tu fais un régime? Je suis super belle, mais un peu flasque, donc. Non, mais c'est pas grave, moi je vis super bien. Rassure-moi, c'est pas ton mec qui t'a demandé ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. D'accord, c'est pour toi, c'est ton. C'est pour moi, puis je vais me faire coacher par les deux fragiles, donc. Alors, les deux fragiles, c'est Godefroy et Guillaume, hein, qui pratiquent la musculation intensive et qui se mettent trois crèmes, bébé crème. Exact. Et du labello. Dès le matin au visage et du labello. C'est pour ça qu'on les appelle les fragiles. Voilà, donc tu vas te faire coacher par eux? C'est ça, ouais, voilà. Dès demain, il a dit qu'il allait mettre un réveil, Guillaume, donc j'attends son SMS à 10h. Ok. Voilà. On vivra les progrès. Les progrès ça. Jour après ou jour. Pas, mais On va dans un instant accueillir. Pierre, 13 ans de Nancy, avec qui on a fait le défi, fallait pas demander là cette semaine. Et Pierre, il a posé une question que normalement tu poses pas, parce que franchement là c'est juste ouf. Il lui a demandé en fait à son papa de choisir entre sa voiture ou lui. Papa, est-ce que tu préfères ta voiture ou moi? Écoutez sa réponse, elle est édifiante. Allô. Salut papa, ça va? Ah oui, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais te poser une question, papa, en fait. Tu préfères qui? Ta voiture ou moi? Ouais, c'est quoi cette question, Pierrot? Alors, avec un pote, en fait, en rentrant des cours, on a pris la BMW, en fait. Mais il m'avait promis et tout qu'il savait conduire. Et on a eu un petit accrossage. C'est qui le marion avec qui t'es parti avec ma voiture? Bah, c'est un de mes potes. Il faisait de la conduite accompagnée, le mec. J'espère que c'est des conneries, parce que je suis en train de... Là, tu vas me faire péter un câble, hein. Ça va pas le faire du tout, hein. Mais calme-toi. Mais j'en ai marre de tes conneries, Pierre. Attends, t'es sorti avec un pote, avec ma bagnole. Et tu vois, je reste calme. T'as 13 ans. Mais Pierre, ton père, il est vénère ou pas, là? Hein? Bah ouais, il est trop vénère, un truc de ouf, là. Ouais. Je vais me faire déglinguer. Bah clairement, tu vas te faire déglinguer, j'espère que c'est pas vrai tes conneries là, parce que ça va chier, hein, je te le dis. Hein. Ah, j'ai tout foiré, je suis désolé. Ah bah t'as tout foiré, oui, t'as rien de le dire. Hein. Allô, je te passe mon pote. Tu me bascules, ton pote? Allô, monsieur? Ouais. Oh, je suis désolé, hein, franchement. Mais t'es désolé, mais t'es un petit con, mais t'as quoi dans le cerveau, toi? Ah mais, je fais la conduite accompagnée avec... Tu fais la conduite accompagnée avec ta bagnole, pas avec celui de ton pote? Ouais, mais elle est belle, votre caisse. Enfin, elle était belle. Bah oui, elle l'est beaucoup moins. J'espère qu'elle n'est pas abîmée parce que ça m'a chié. Sans déconner, j'ose même pas y croire. Ça me fout les poules, là. Non, mais en fait, je vous explique. C'est parce que, en fait, j'ai raté la marche arrière et du coup, j'ai pris un camion et là, le monsieur, il est à côté et il y a, je crois qu'il y a la police qui arrive, là. Bah, tu m'étonnes. Imbécile, vous avez même pas. Il est con, là. Eh, sans déconner, ça va chier, hein. Attends, ça va chier, mais dégrave. Je te repasse ton fils. Ouais, passe-moi mon fils. Putain. Papa ? Ouais. S'il te plaît, tu peux m'augmenter mon argent de poche parce que non, j'en ai là, au moins pour 2000 euros de séparation. Tu te fous vraiment de ma gueule. C'est pas possible. Hein. Mais on a appelé. Mais t'es on a... t'as pris des cachets, ça va pas dans ta tête aujourd'hui. Papa, il y a les filles qui ils veulent voir le propriétaire du véhicule. Propriétaire du véhicule, s'il vous plaît, là. Oui, ben, le propriétaire, il est au téléphone, il peut pas être à deux endroits en même temps. Hein. Bon, et il va falloir... qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Ouais, non, mais... Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Vous êtes avec qui au téléphone? Qui était au volant du véhicule? Passez-moi le téléphone. C'est le propriétaire du véhicule? Tenez. Passez-le-moi. Oui, allô, monsieur? Allô? Oui, bonjour monsieur, police nationale. Oh putain, c'est On est sur un accident là, avec a priori il n'y a aucune. Le gamin, il a l'air en bonne santé, ça va? Ouais, non mais il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, les deux enfants. Et la voiture, elle est comment? Parce que du coup, il m'a pas dit. Bah il n'y a plus de voiture. Hein. Non mais arrêtez, mais. Ah bah ils se sont pris un camion en marche arrière pour se garer. Et le camion, c'est un bison le truc. Hein. Donc là, il y a tout là. Mais c'est quoi ce film là? Mais putain, je vais le dérouiller le morpion. Putain. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Putain, je vais l'attraper le morpion et je vais lui défoncer sa gueule. Je repasse votre fils et nous on va faire un état des lieux. On va commencer à faire une signalétique parce que là, ça pas du tout là. Il faut qu'on sécurise le côté droit là. Ouais, les gars. Mais c'est quoi ce film? On sécurise le côté droit. Vous venez avec moi, les gars. Putain, Pierre. Et je suis au sans-coup. Mon petit gars, ça va. Je te promets que celle-là, tu vas t'en souvenir. Je te garantis que tu vas t'en souvenir, celle-là. Mais alors, d'une force, tu t'imagines même pas. Attendez. Ça me trouve le cul. Monsieur ? Quoi ? Monsieur, alors, excusez-moi, on vient de trouver un corps dans le véhicule. Oh, arrêtez, ça va trop loin, vous foutez de ma gueule. Ah oui, ça va trop loin, parce que vous êtes en direct sur Fun Radio. Mais putain ! Il est sensationnel. Henri, oh là là, Henri, là vous venez de vous faire piéger. Mais vous avez de la chance que je suis pas cardiaque. C'est vrai qu'on a de la chance. Oh là là, j'en peux plus, je tremble de partout là. Mais t'inquiète papa, ça va. Ouais, t'inquiète papa, sans déconner, petit con. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une blague pareille à ton vieux petit con? C'est le défi, il fallait pas demander. Henri. J'ai cru pendant un instant, j'ai jusqu'au cadavre là. Oui, bon, on s'est dit, on va terminer en beauté. Hein. Alors, Henri, je vous explique en fait, vous venez de nous faire piéger par Pierre. Pierre qui a participé à un défi, c'est le défi, fallait pas demander. Il doit vous énerver en vous posant une question. Et la question c'était. Putain, il a réussi ce coup. Ouais, il a réussi, ouais. Pierre, c'est gagné, bravo mon Pierre. Merci papa, merci l'équipe. Oh putain. Tu repars avec ta paire d'enceintes Philips qu'on va t'envoyer à la maison. Et Henri, ça va mieux, hein, hein? Je vais décompresser là maintenant. Ah bah vous allez faire un petit tour de BM ce soir, Henri. Oui. Hein? Je vais aller la chouchouter, oui. Ah bah oui. Hein, une petite peau de chamois, hein, ouais. pour que ça ouais. nickel. Henri, vous avez été fantastique. Qu'est-ce qu'on arrive, franchement? Ouais, quand... bah écoutez, moi sur le coup, je rigolais pas. Je vous le dis. Ah bah oui. Et Pierre, fais un gros bisou à ton papa. Ouais, merci beaucoup, papa. Bisous. Allez, c'est rien, bonhomme. Super. Morpion. Henri et Pierre, vous fait un gros bisou. Bravo à tous les deux. Et vous revenez quand vous voulez. Pierre, t'es notre champion ce soir. Bravo à toi. Salut Henri, salut Pierre. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Magique, hein, ce défi fallait pas demander. Et si vous aussi voulez participer au prochain défi fallait pas demander là dès demain sur Fun Radio, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Dans un instant, il y aura aussi le chiffre d'Alice. De quoi on va parler ce soir, Alice? On va parler des gens qui se sont déjà pété la gueule en public. Voilà, tout simplement. Ah oui. Donc venez nous raconter vos plus grosses chutes. Comment tu dis Se battre. Se battre? Oui, non, qui sont tombés. Tu vois, se péter la gueule. Ouais. Là, des gringolades. Les chutes. Oui. Bien sûr, venez nous raconter votre pire honte là. Après WNW, voici Hardwell et Leave the Night sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Stallion W et Hardwell sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In Fun. Appelez Doc, Karel et Ali. 01 42 48 5000. C'est Love & Fun sur Fun Radio. Et bonne soirée à tous. Merci d'être avec nous sur Fun Radio tous les soirs du dimanche au jeudi, 20h-22h. C'est Love & Fun. Je m'appelle Karel avec Doc, avec Alice, vous tous en direct et avec des nouvelles de Julien. Alors Julien qui nous avait appelé cette semaine. T'es là, Julien? Oui. Je suis là, salut Karel, salut les docs, salut Alice. Salut, salut Julien. Alors Julien, c'était le loser, hein. C'était jeudi soir qu'on t'a eu au téléphone. Ouais, tout à fait, jeudi soir, parce que j'avais malheureusement envoyé une photo de ma tub à ma belle-mère. Voilà, au lieu de ta copine, hein, c'est ça, tout à fait, j'étais un peu fatigué et je m'étais trompé dans mes contacts. Il y avait ta verge et ton visage en même temps. C'était la totale. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, il y avait pas, puisque justement je me posais la question, est-ce qu'elle m'avait dans ses contacts, etc. Donc non, il y avait pas. Ah, par contre, il y a dû en avoir. À mon avis, Julien, tu vas tout nous expliquer d'ici quelques minutes, mais d'abord on réécoute ce petit moment. Hier soir, j'étais un peu fatigué, mais à la fois un peu chaud avec ma copine. J'étais dans mon lit, elle dans le sien, et puis on se chauffait un peu. Et puis à un moment, j'ai envie de lui envoyer une photo de mon sexe. Et le truc, c'est que je me prends en photo avec l'appli appareil photo. Ouais. Et après, je fais partager, je vais dans mes contacts et je cherche Noémie, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Et puis de la fatigue et un peu les yeux qui... fatigué quoi, en gros. Et puis à la place d'appuyer sur Noémie, j'appuie sur maman Noémie, envoyer, et qu'est-ce que je vois pas, que j'ai envoyé ma bite à la maman de ma copine. Mais donc... quelle idée d'envoyer sa bite, quoi. Comment elle a réagi, belle maman? Je sais pas du tout, c'est ça qui me stresse, c'est vraiment pour ça que je vous appelle. Attends, parce que... est-ce qu'elle a ton numéro déjà? Dis que tu t'es fait voler ton téléphone. Mais je doute qu'elle ait mon numéro. Enfin, je sais que si moi je l'ai, c'est parce qu'on s'est déjà appelé, qu'on a déjà eu l'occasion de s'appeler, mais est-ce qu'elle l'a enregistré dans son téléphone? J'en suis pas certain. Tu lui as dit à ta meuf que tu avais envoyé à sa maman? Eh bien oui, le truc c'est qu'en fait à la base, dès que j'ai vu que je m'étais trompé de numéro, lui ai dit Noémie, j'ai fait une grosse boulette, par erreur j'ai envoyé... Faut qu'elle prenne le téléphone de sa mère. Oui, mais sauf qu'en fait ses parents sont séparés et que là actuellement elle est chez son père. D'accord, et qu'elle revoit pas dans la merde. Allez, salut. Est-ce que maman t'a envoyé un message, genre oh? Non, j'ai pas de réponse. C'est ça qui m'inquiète, quoi. Et le truc, c'est que dimanche, on a un repas de famille. J'ai vraiment trop peur de la réponse du truc, quoi. Si jamais elle capte que c'est moi. Elle va dire, il y a quand même un mec bizarre. Ah ouais, c'est ça. On est dans un drôle de monde, des pervers qui traînent partout. Il y en a un qui m'a envoyé une photo de sexe. Et là, tiens, il y a tout rouge. Ce qui serait pas mal, c'est que toi, Julien, tu dis, vous devriez appeler le numéro, hein. Comme ça va sonner sur ton téléphone. Et là, tu seras bien niqué, mon Julien, hein. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je risque pas de faire ça, hein, surtout pas. Si jamais tu débarques dans la maison et que tu vois des posters de ta tub partout, pose-toi des questions, rentre chez toi. Dis que c'est pas la tienne. Mais après, je sais pas trop quel genre de téléphone elle a. S'il faut, elle a un vieux truc qui reçoit à peine les MMS, donc elle n'a jamais réussi à l'ouvrir, peut-être. Oui, peut-être. C'est le vieux Nokia, tu sais, où il y avait le jeu du serpent à l'époque. C'est ça. Mais je sais pas, en fait, j'ai jamais fait attention à son téléphone. Elle a peut-être l'iPhone 7 aussi. Comment tu dis ça? Elle a peut-être aussi l'iPhone 7, qui est probable. Oui, elle a peut-être l'iPhone 7. Oui, là, dans ces cas-là, t'es dans la merde. Hein. Okay. Ouais, là, vraiment. Ah non, mais Julien, il faut de toute façon que tu nies. Mais oui, tu dis que c'est pas la tienne. Limite, c'est un pote qui a pris mon téléphone et qui a fait une vanne en envoyant à tout mon répertoire une photo de tub, un truc comme ça. Mais voilà. Une soirée qui a mal tourné. Pas qu'elle te dise prouve-le, baisse ton slip. Ouais, c'est un peu chelou, quoi. De toute façon, à aucun moment, c'est ton sexe. Mais justement, est-ce qu'il y a un signe distinctif sur ta verge? Ah oui, tu bandais peut-être? Non, mais. Oui, c'était pas avec ma copine, donc est-ce que ouais. T'as un grain de beauté ou quelque chose comme ça sur ta verge, non? Non, rien de spécial. Elle penche un peu vers la gauche, quoi, mais pas un plus. Un petit signe distinctif. Oui, ça va, la mienne aussi. Julien, ce qu'on va faire, le repas de famille, c'est dimanche? C'est dimanche. On s'appelle dimanche soir, d'accord? Si tu es toujours vivant, bien sûr. Nous tentons. Si je suis toujours vivant, je vous rappelle. Je vais voir ça avec Guillaume. Eh ben, on va faire ça avec Guillaume du Standard. Julien, tu raccroches pas. On va te caler pour dimanche, d'accord? Ça marche. Et Julien est toujours vivant puisque nous le retrouvons. Oui. Alors, Julien, t'avais ce fameux repas de famille dont tu nous as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on était à table, tout se passait bien, on discutait un peu de tout et rien, et puis en arrivant, on avait fait mine de rien, personne ne me parle de quoi que ce soit, enfin, je m'entends bien avec toute sa famille, c'était l'anniversaire de l'oncle de ma copine, ouais. Et on est à table, tout se passe bien, on discute de tout et de rien, on arrive au moment... Et là, tu sors ta bite, et elle la reconnaît. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Déjà vu. Mais non, laisse-le finir, vas-y. On est entre le dessert et le café, et puis ça traîne un peu, et puis à un moment, il y a cet oncle à qui on fête l'anniversaire qui me dit « Bon, et sinon, qu'est-ce que tu veux faire, Julien, plus tard dans la vie ?» Et là, ma belle-mère qui se met à rire comme pas possible, pas photographe en tout cas, hein, et tout le monde qui rigole. Et là, j'ai compris qu'il y avait tout le monde qui était au courant, que j'avais envoyé ma tub à ma belle-mère. C'est hyper gêné, ma copine et moi, tout rouge, mais genre vraiment, vraiment tout rouge. Et puis en fin de compte, ça s'est bien passé, tout le monde l'avait bien pris. Tout le monde l'a partagé. Est-ce que tu as expliqué ton erreur? Non, même pas. J'ai expliqué mon erreur, mais d'où c'est venu, etc. Mais il n'y a pas eu de jugement, c'était rigolo. La famille est hyper cool, et puis ils m'ont pas voulu. Maintenant, ta pas belle-mère connaît ton anatomie intime. Ah, voilà, elle voilà. Franchement, elle t'aime bien, hein. Je te le dis. Parce que, ça va, elle aime bien, oui. Dans pas mal de familles, ce serait pas passé le délire. Donc finalement, tout le monde était au courant et tout le monde attendait de te foutre la honte, quoi. Un peu, mais bon, c'était rigolo, on s'est bien marré. C'est ce qui s'appelle. On en rigolera. Entre la poêle et le fromage. Exactement. Boum. Eh ben Julien, merci beaucoup. En tout cas, content que ça s'est bien passé justement cette petite après-midi là. Et bien merci d'avoir écouté mon histoire. Et tu reviens quand tu veux. Quand c'est des histoires comme ça, on est toujours ravis. Hein. Pas de problème. Hein. Salut à toi. Bisous. Salut. Dans un instant, le chiffre d'Alice. Parlez-nous de vos gamelles. Hein, les dégringolades. Hein, la fois où vous êtes cassé la gueule. Les chutes en public. C'est ça, les chutes en public. Tu sais, c'est limite la honte. Putain, mais c'est vrai quoi. C'est la honte. Bah ouais. Oh, non, mais... ça va, c'est drôle. Ça dépend. Ouais, ça peut être rigolo aussi. Genre, si tu fais une petite chute inattendue, dites-nous en tout cas si ça vous est déjà arrivé. Venez nous raconter, quand vous êtes déjà pété la gueule en public. C'est le chiffre d'Alice. On saura tout d'ici quelques minutes. Et surtout, on va revenir avec The Parakeet. Alors ça j'adore. The Parakeet, Save Me dans 3 minutes sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Je voudrais saluer ce matin Zeng, un chinois qui vient de se marier avec Zhang. Il n'y a pas de vannes à leur reprenant, je viens de me rendre compte. Zeng Zhang. Il y a juste un petit détail qui est chelou. La grand. Différence d'âge, genre 80 ans de différence. 43 ans de différence, ouais, non, c'est vrai. Ouais. Lui a 71 ans, d'accord, ouais. Et elle en a 114. Ah ouais. Oh, je crois que c'est plus vieux, c'est lui. Beau, mais non, mais c'est beau l'amour comme ça. À 114 vieux. Ans, c'est beau, on va voir sous la couette. Hein. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. About to land after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. The Parakeet, Save Me sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Love & Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice tous les soirs dans Love & Fun sur Fun Radio. Merci hein, d'être avec nous. Moi, je l'attendais ce chiffre. Je pense qu'on va bien se marrer parce qu'on va parler des chutes. Des petits moments de solitude où tu te casses la gueule. Les gens rigolent, mais toi t'as mal. Eh ouais. Il y a 43% des gens qui se sont déjà vautrés en public, donc qui se sont déjà cassé la gueule devant tout le monde. Ouais. Et ça fait qu'on a beaucoup de réactions. Je vous le dis tout de suite. Hein. On a Stéphanie qui est avec nous, 29 ans de Paris. Bonsoir Stéphanie. Salut. Bonsoir. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. C'est presque un acte manqué de se casser la gueule parfois. Bah, c'est souvent un acte pas voulu, oui. Ah ouais, alors Stéphanie, raconte-nous toi ton cassage de gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi c'était en boîte de nuit. Mmh. Ah tu faisais la belle. Voilà, exactement. Pour une fois j'avais mis des talons pour aller en boîte et tout, donc je faisais la maline et tout ça. Mmh. T'étais sur le podium? Non, j'étais pas sur le podium. Oh. Je sortais du fumoir. Ah d'accord. Et donc il y avait les escaliers tout de suite à gauche avec des petites bandes lumineuses sur le long des marches. Mm-hmm. Parce qu'en fait ils en avaient pas mis sur la première marche. Ah bah oui. Donc en fait j'ai posé mon talon sur le bord de la première marche. Donc forcément le reste de mon pied est tombé et je suis partie tête la première. Ah. Donc j'ai descendu les escaliers sur les genoux. Un peu vite, oui. Ça peut être dangereux, ça, quand même. Et ouais, après... dangereux. J'ai cru que j'allais finir vraiment la tête râpée sur le sol. Ah, et en fait, à un moment, il y avait un virage avec une fille dans le virage. Et je me suis dit, c'est ma seule option avant d'arriver derrière le bar. Tu l'as accroché pendant ta chute? J'ai atterri la tête dans ses fesses. Ah oui. c'est un bon amortisseur. Ah bah c'est super, ça. Protection. Voilà. Okay. Airbag. Pour être sûr, je me suis bien accrochée à son haut que j'ai entendu craquer. Ah, tu l'as déshabillée en plus. Tu l'as déshabillée. T'es voilé ses seins devant tout le monde. T'imagines un mec faire ça, il est accusé de harcèlement sexuel. Hein. Ah bah oui. Bien sûr, hein, bien sûr. Ouais, forcément. Bien sûr. Mais là, j'étais partagée entre chouette, ma descente s'est arrêtée et putain, elle va me casser la gueule, quoi. Ah mais non, putain. Et tu t'es excusée à la souris? Ouais, je me suis excusée, je lui dis je suis désolée, et en fait je pense qu'elle a pas entendu son haut craquer parce que elle arrêtait pas de me dire mais c'est pas grave, est-ce que ça va, et moi je lui répondais oui mais je suis vraiment désolée, et donc du coup elle est partie. Donc est-ce que son haut était vraiment déchiré ou est-ce que ça a juste craqué un petit peu, je ne sais pas. C'est la question qui restera en suspense ce soir. Si tu t'es reconnue, tu as ton petit haut déchiré, appelle-nous ce soir ma chérie, 01 42 48 5000. Reste avec nous Stéphanie. Geoffrey est à Montpellier, il a 25 ans. Bonsoir Geoffrey. Salut Karel. Tu t'es déjà cassé la gueule à Montpellier toi? Non, alors c'était pas Montpellier, c'était à Narbonne. C'était à l'époque, j'habite à Narbonne. À Narbonne, je le savais. Vas-y, ouais. Raconte-moi. Alors du coup, c'était quand j'étais au collège. J'allais au collège en vélo. Mmh. Et sur le trajet, il y a un arrêt de bus avec un groupe de filles. Donc du coup, comme j'étais jeune, je me suis dit, je vais faire un peu le malin. Et sauf qu'en arrivant sur le groupe de filles, il y a mon vélo qui s'est carrément fissuré en deux. Donc du coup, je me suis ramassé la tronche devant, devant ce groupe. Oh là là, putain, quel enfer, ça dit tellement avoir mal. Ah, putain, et donc du coup, je me relève, je dis non, c'est bon, j'ai rien, ne vous inquiétez pas. Et je suis reparti chez moi, et j'ai pris mon scooter, après je suis allé au collège, j'avais un scooter. Donc voilà. Geoffrey, tu en es revenu vivant, et c'est ça le principal. Ouais, on va dire ça. Bah ouais, non mais putain, parfois il nous arrive des trucs de dingue. Il y a même des gens qui se tuent comme ça. Je oui, bah oui, pas c'est l'oublier vrai. Parce que des chutes banales peuvent effectivement être dramatiques. Bah la doc, c'est l'homme qui casse l'ambiance, tu sais. Parfois oui, on peut mourir. Non, c'est vrai, t'as raison, doc. C'est la vérité. Il y en a qui sont déjà morts, mais c'est des accidents tellement bêtes, quoi. Ouais. Je veux dire, un accident est toujours bête. Oui, mais bien sûr, mais tu casses la gueule, tu tombes sur un couteau. Ah oui. Quelle horreur. Non mais c'est aussi con que ça. Elodie est avec nous, 25 ans de Marseille. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Salut. Salut Elodie. Il t'est arrivé un petit accident Oui, moi je marchais en ville. Ouais. Et en fait, j'ai glissé malencontreusement sur une crotte de chien. Ah, oh, voilà, les chiens. Oh, bah, voilà, attends, ça va, vous mec, il chie. Hein. Sauf qu'en glissant dessus, Pas. Attends, laisse-la raconter. En glissant dessus. Attends, on est sur un débat, tu ramasses les crottes, tu ramasses pas. Il est en train de décider que lui, il ramasse pas ses crottes de chien. Ouais, vas-y, continue. Et en glissant. Donc en fait, en glissant, j'ai étalé en fait la crotte. Ah oui. Sauf que j'ai voulu me rattraper et t'as en me rattrapant, le réflexe, j'ai mis la main dedans et tout le derrière de mon pantalon au passage. Oh putain, le combo. Le réflexe, tu sais, je me rattrape dans la merde, quoi. Ah ouais, non. Putain, tu savais plus où te foutre, franchement, Elodie. Du coup, je suis rentrée dans un magasin, je me suis acheté un pantalon et je l'ai enfilé. Bah ouais, tu m'étais. Et le pantalon sale, t'en as fait quoi? Je l'ai laissé là-bas dans une poubelle, ils l'ont fermé. T'as jeté. Moi aussi, je suis du genre à jeter après moi. Tu m'étonnes. Tu t'en fous quoi. Et Élodie, donc beaucoup de crottes ce soir, on vient de l'apprendre dans les rues c'est de Marseille. Vraiment se retrouver dans la merde. Ah oui, exactement. Bravo Doc. On enchaîne avec notre auditeur du soir, c'est Mathéo. Mathéo, oui. Tu t'es déjà cassé la gueule toi, Mathéo? Ouais, je me suis déjà cassé la gueule, c'était dans une gare en plein été. J'ai glissé sur un sur le sol qui était glissant, qui venait juste d'être nettoyé. Et il y avait une petite mamie juste à côté de moi qui marchait avec une petite canne et qui était en petite robe. Je l'ai bousculée, elle est tombée aussi. Donc quand je suis tombé, ça l'a fait tomber. Sauf que quand elle était par terre, et ben en fait j'ai vu ses dessous. Oh. Ah putain. D'où l'importance de la mamie en petite robe. Je me dis pourquoi c'est important. D'accord, et pas mal. Pas mal aussi, Mathéo. Une chute mais choquante. On peut faire mieux avec Benjamin. Attention, Benjamin, c'est du très très lourd. Il a 24 ans, il est de Bordeaux. Bonsoir, Benjamin. Salut, bonsoir. Benjamin. Bonsoir, salut. Benjamin. Salut. Il paraît que ton anecdote est édifiante. Et nous allons. Enfin, on va pas endormir de la nuit. Nous t'écoutons. En fait, j'étais en vélo. Et je suis tombé. En fait, bravo. Et alors après, attends, laissez-le dire. Tu étais donc à bicyclette? Oui. Je suis tombé. Voilà, j'étais en vélo et en fait j'allais à l'entrée du collège et en fait j'ai regardé une fille et en fait j'ai pas vu qu'il y avait le banc parce que je regardais derrière moi et en fait je me suis cogné contre le tibia contre le banc que je regardais derrière moi. Bah voilà, à force de mater. Bah oui, non mais c'est ça. Attends, est-ce que la fille a remarqué justement ce petit jeu? Non. D'accord. Parce que tu sais qu'en fait, on oublie de dire une chose. Ouais. Dans certaines situations, soit parce que tu rencontres une fille, soit parce que, par exemple, l'entretien d'embauche ou des choses comme ça, tu vas chuter. Ça peut te rendre sympathique. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font exprès, genre. Ils pourraient. Ah ouais? Genre, c'est toujours attendrissant, quelqu'un qui se casse la gueule, c'est quelqu'un. C'est vrai, on a envie de lui faire un petit câlin. Voilà. Enfin, ça dépend. D'être gentil avec lui. Oui, après, s'il est en sang, le mec, on a plutôt envie d'appeler l'hôpital. En tout cas, une certaine compassion. Reste avec nous, Benjamin. J'aimerais demander dans l'équipe qui s'est déjà cassé la gueule. Tout le monde s'est cassé la gueule. Tout le monde s'est cassé. Qui veut réagir là? Levez pas tous la main en même temps. Kassim. Moi j'allais dire à mon pote, tiens, regarde, si tu veux, je vais mettre mes pieds sur la table et je me suis balancé, sauf que je suis parti complètement en arrière et je me suis mangé le coin de la table derrière dans la tête. Et ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Vous comprenez, depuis cette chute, il a changé. Hein. Oui, bien sûr. On se calme, Kassim. Alice, t'es déjà tombée, toi? Ouais, j'en ai eu plusieurs, mais il y en a une qui était particulièrement marquante. En fait, je courais pour attraper. C'était à l'époque, j'allais au lycée et je courais pour attraper un bus. Et en fait, là, mon talon s'est pété. En fait. Et du coup, je me suis éclatée et puis T'as essayé de te rattraper ou pas? En fait, t'es en plein milieu de rue, donc t'essayes, mais t'as c'est rien, ça. Tu vois. Donc, c'est la chute interminable. Voilà, tu te rapproches du sol et tu finis par te vautrer. Sur 200 mètres à la fin. Et tu passes la journée avec un seul talon, au final. Ouais, tu vois. Donc ça t'est dégoûté. Godefroy, il est tombé. J'ai peur maintenant de ce qu'il va dire. Alors non, justement, c'est pas moi, en fait. Mais j'ai failli me faire dessus, hein, parce que j'ai tellement rigolé. Ouais, vas-y. En fait, j'attendais le RER à l'époque. Ouais, d'accord. Et j'ai vu une fille en face de moi, sur le quai. En train de courir pour attraper son RER à elle. D'accord. J'ai très très peur de ce que tu vas dire. Et en fait, elle s'est prise une marche. Elle est tombée, mais elle a fait une glissade sur 3 mètres. Mais j'en pouvais plus. Non, mais alors lui, c'est le mec qui se marche. T'as des tas de mecs qui auraient couru, qui auraient traversé, c'est qui auraient sauté. Lui, c'est le connard qui vient raconter l'expérience. Je tombe jamais, mais je suis celui qui applaudit. Je peux vous raconter. Allez, raconte-nous. Ça m'est arrivé ce week-end. J'étais avec Katoche ce week-end, en train de la prendre sur la machine à laver du doc. Et à un moment donné, mes pieds se sont pris dans sa blouse et patatras, je tombe. Du coup, Katoche tombe sur moi. On a un rapport sexuel et pénétration involontaire. Voilà. C'est ça. Enfin, Doc, si Katoche avait mal à la tête, tu sais pourquoi. Hein, je te le dis tout de suite. Des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Un message de Rachel qui dit: je me baladais avec ma copine et d'un coup, je me suis retrouvée les deux jambes dans une plaque d'égout. Ça doit être hyper horrible, ça. Henri, pour sa première arrivée sur un semi-marathon, il a fini par bouffer le tapis en faisant un vol plané. Sarah qui écrivait un message et qui s'est mangé un poteau. Et ma petite favorite, c'est Enzo. Il a fait une chute vraiment cliché. Il a glisser sur une peau de banane dans la rue. Oh, putain. Et le fameux poteau aussi avec les SMS là, ah, tu oui. t'envoies là. Putain, ça c'est vrai que c'est une tanasse. Le stop, c'est terrible. Je m'en suis pris deux ou trois. N'hésitez pas à réagir. 01 42 48 5000. On a Marie qui est avec nous, 25 ans. Elle nous appelle de Lorient. Bonsoir Marie. Bonsoir. Salut Marie. Salut. Qu'est-ce que tu veux savoir toi Marie? En fait j'ai 25 ans et j'ai d'acné et je voulais savoir en fait comment ça pouvait s'arranger. Ah, t'as des boutons en fait, c'est ça? De l'acné, oui, d'accord. C'est on va soigner ça, oui. Ah, tu bouges pas, on va t'enlever tous tes boutons dans un instant, on explose tout ça devant la glace. Ouais, y en a plein qui le font ça, devant la glace et tout, ça fait des petits trucs dégueulasses et tout. Non mais c'est vrai, des petits comédons là. Voici Pitbull, Florida sur Fun Radio. cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna loosen this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally stripes, 7500 pound out. Hey, red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Florida sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Dimanche soir et tous les soirs en direct de 20h à 22h du dimanche au jeudi. N'hésitez pas à nous appeler hein, au standard hein, 01 42 48 5000. À nous laisser aussi beaucoup de messages hein, sur Twitter en mettant bien le hashtag Love in Fun, la page Facebook de l'émission et le Snapchat. Un petit message Alice. Un message de Marine, je vous écoute en direct de Bordeaux. Comment dire à un mec que je l'aime? Je t'aime. Ouais, non mais Doc, c'est trop facile. Non mais ça, attends. Hein. Quand tu penses ça, c'est que t'as déjà une relation qui est déjà entamée. Ouais. C'est pas quand tu vois quelqu'un brutalement. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu le connais pas? Oui, quand vraiment. Quand tu le retiens plus. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut déjà connaître. Enfin voilà, il faut. Ne dis pas je t'aime comme ça. Il y a beaucoup de mecs, au moment de jouir, ils font je t'aime. Non, ils veulent dire j'aime. Oui, oui, j'aime aussi. C'est oui. Pas je t'aime, j'aime. Dit, oh, je t'aime disons... quand tu fais ça. Je t'aime. Non, mais ça arrive. C'est, hein. C'est comme ça que tu fais. Non. Ouais, j'ai envie de te mettre ta base. Je suis sûr qu'il fait comme ça. Ah non, moi je fais pas du tout comme ça. Non. Tu fais comment? Je t'aime. Ça, c'est quand même un peu plus sympa. C'est donc un orgasme très light ah ouais. Chez toi. Ouais, c'est ça, ouais. Marie est avec nous, elle a 25 ans de Lorient. Marie, elle a petit souci, t'es là, Marie? Mais salut, Marie. Oui, je suis là. Salut, Marie. Ah, ça, c'est chiant. Salut. C'est chiant, parce que ce dont tu vas nous parler, quand ça t'arrive, c'est relou, ça. Oui. Vas-y, on t'écoute. Du coup, c'était pour vous dire, en fait, j'ai des lacunes, en fait, en bas du visage, au niveau des joues, en dessous des pommettes. Okay. Et j'ai été voir une dermato, elle m'a dit que c'était à cause de la cigarette. Et je voulais avoir en fait l'avis du doc. C'est faux, c'est totalement faux. Ça, on peut pas dire des choses comme ça. Voilà. C'est vrai que fumer. Elle ferme sa gueule, celle-là. Hein. Fumer, non, je ne me permettrai pas. Attends, ils disent des conneries des fois. Je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas de dire ça. Mais c'est pas parce que tu fumes qu'il faut le dire. Bon, voilà, c'est dit. Bref, voilà. Non, mais en revanche, ça donne un mauvais teint. D'ailleurs, je voulais te dire, Karel, t'as quand même une peau dégueulasse. T'as pas de bouton, mais t'as une peau de fumeur. Bon, bref. Voilà, boum, cassé. Va te faire en cul. On va te faire quoi? On va te faire foutre. C'est pas de mal la veille. Bon, alors donc, en revanche, ça se soigne l'acné. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas uniquement une maladie d'adolescence. Ça peut se poursuivre à l'âge adulte. Donc, ça se soigne. Il y a des traitements spécifiques qui sont bien faits. Jusqu'à utiliser, si tu as plus de 10, 15, 20 boutons, des gros boutons rouges, le fameux Roaccutane. Mais pour cela, il faut un protocole de traitement prescrit, si possible, par un dermatologue. Avec des précautions, contraception permanente, bien prise, voilà. Et puis aussi information quant au risque en cas de grossesse d'atteinte majeure de l'embryon. Donc, bah oui. D'accord. Mais parce que du coup, tellement j'ai des cachets, j'ai un traitement déjà, j'étais très libre. Alors, si ça fait rien. Non mais alors, le fameux roi cutané, on parle de ça, qui est le traitement, quand tous les autres traitements, les antibiotiques, les soins locaux ont été testés, n'ont pas marché, marche très bien ces 6 mois de traitement, sauf que les 2 premiers mois, tu as quand même une exacerbation de l'acné. Il n'y a pas d'effet positif au début. Il faut un certain temps de traitement, ça dessèche la peau, c'est assez désagréable, il ne faut pas s'exposer au soleil. Ah mais attends, ça dessèche la peau. Non mais c'est même pire que ça, Doc. C'est-à-dire que moi j'avais un pote et tout, quand il avait 16 ans, enfin, on se foutait tous de sa gueule, le pauvre, mais le mec... Mais c'est un passage... Mec, bon, putain, le mec, il perdait ses peaux, quoi. Tu vois, je sais, chelou. Non mais je suis d'accord, mais mieux vaut souffrir 6 mois... Et après, débarrasser de l'acné, parce que l'efficacité est quand même remarquable. Ah, ça par contre, c'est un truc de ouf. Voilà, mais il y a une période où c'est un peu compliqué. À une période où t'en chies. Mais en revanche, ça, c'est une prescription médicale. Et de dire que parce que tu fumes, je suis désolé, c'est pas très honnête. Voilà. Parce que je sais pas si ce médecin a vraiment dit ça ou s'il avait envie d'être méchant avec toi. Moi, bon, c'était une connasse, déjà. Voilà, non, mais, enfin bon. Non, mais c'est vrai, j'arrive à peine dans son cabinet, elle me dit tu t'es maquillée, et elle m'a gueulé dessus pendant un quart d'heure, alors. Ah ouais? Bouffonne! Ah, mais oui, oui. Ah, par contre, attends, il y a un truc qu'il faut pas faire, les filles. Quand vous avez des boutons, faut pas vous maquiller, quoi. Alors, si vous maquillez pas, attends, des croûtes de boutons. Attends, je précise. Oui, Doc, tu maquilles beaucoup, toi. Il y a des produits, non, pas du tout. Il y a des produits qui sont dits comédogènes. C'est-à-dire d'accord. qu'ils vont augmenter la production des comédons, qui est la base du bouton. Bien sûr. C'est-à-dire ces fameux, tu sais, petits trucs blancs. Blanc, là, ces points noirs. Les points noirs, ça se ferme, c'est ce qui va générer le bouton. Il y a certaines pommades qui vont augmenter ce phénomène. Également le soleil. En revanche, il y a des pommades, des crèmes non comédogènes. Ça prescrit effectivement qui sont assez chers. Non, je ne sais pas. Et qui peuvent être utilisés pour le maquillage. Mais pas n'importe quoi. Voilà. Bon, Marie, on t'a fait la totale, ma chérie. Alors, tu demandes des produits, des maquillages non comédogènes, dans des bonnes boutiques. Tu dois pouvoir avoir ça. Demande au pharmacien, il va te fournir ça facilement. Et sinon, il y a le fameux traitement de choc dont tu as parlé. Mais ça, dermatologue, avec un protocole de traitement, il faut signer un papier. Chaque mois, il faut refaire le protocole, dire que tu as bien pris la contraception, que tu es au courant, écrire de ta main que tu es au courant de tout cela. Et à partir de là, ça marche, oui. Voilà, vous n'aurez plus de bouton, mais vous allez peut-être mourir. Hein. Donc, allez-y, signez, on met la page. Moi, je suis perso, je ne le fais pas. Hein. Marie, on t'embrasse. Okay. On t'embrasse super, sur les boutons. Nous, on s'en fout. On est comme ça, on est dans l'amour. Gros bisous, Marie. Salut ma chérie. Et Lorenzo, Lorenzo est avec nous, 20 ans de Castres. Salut Lorenzo. Salut Doc, salut Karel, salut toute l'équipe, comment ça va? Bah ça va bien. Lorenzo, t'as un prénom qui déchire, j'adore ce prénom. T'es d'origine italienne? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire en italien ce soir? Par contre, je ne parle absolument pas. Ok, t'es une arnaque. Non, absolument pas. Un prénom d'origine italienne que mes parents m'ont donné. Mais moi, jamais, je parle italien. Alice parle pas italien. Si, elle est totalement bilingue. Ah, Alice. Oui, totalement. Alice. Je sais dire Lorenzo. Lorenzo. J'aime bien. On va écouter Sean Frank, mais juste avant, Lorenzo, on va parler de quoi avec toi? Ben en fait, je vous appelle parce que j'aurais bien aimé avoir des conseils sur l'anulingus. Ah, la pratique de l'anulingus. Quelle belle soirée on vit ce soir. Restez avec nous, voici Sean Frank. Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. Put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. And I'll let you get away, way, way. Let you get away, way, way. I'll let you get away, way, way. With murder. Got me wondering behind our wandering eyes. Illusions always coming untied. really sure where that's leaving us. You're gone before the sun's even up, and I let you. I let you get away. Sean Frank sur Fun Radio, Let You Get Away. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun sur Fun Radio. On va voir s'il est concentré. Est-ce que Mathéo, notre auditeur du soir, est toujours là? Oui, bien sûr que je suis toujours là. Bravo Mathéo. Est-ce que t'as fait caca pendant l'émission? Non, mais par contre, j'ai pété. D'accord. Je savais que j'allais obtenir une bonne réponse avec une telle question et ça me fait plaisir. Mathéo, on va parler avec Lorenzo. Tu restes avec nous là. Hein. Attention, oui, oui, parce que je vais te poser une question. Hein. Lorenzo, t'as 20 ans, t'es de Casse. Bonsoir Lorenzo. Salut. Bonsoir toute l'équipe. Alors, je te présente notre auditeur du soir qui fait l'émission avec nous depuis tout à l'heure. Il s'appelle Mathéo. Enchanté Mathéo. Voilà. Et quelle est ta question? C'est Mathéo qui va te répondre. Hein. Vas-y Lorenzo, il t'écoute. Bah, en fait, voilà, moi j'aurais bien aimé avoir des petits conseils sur l'anulingus. Alors Mathéo, on t'écoute. Alors, moi, ayant de l'expérience avec Katoche, pardon. Alors, tu parles de la femme du doc, hein, je rappelle. C'est quoi ça? Non, attends, Doc, attends. Jeune blaireau, là. Attends, Doc. Ne t'énerve pas tout de suite. Ne sors pas ton couteau papillon. Mathéo, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un anulingus? D'abord, pour commencer, avant de dire ce que t'as fait avec Katoche, bien sûr. Alors, un anulingus, c'est un... Comment dire? Un léchage de... un léchage de fesses, enfin de... Non, c'est pas ça. Non, c'est le... Enfin, c'est pas ça. Faut lécher le pourtour de l'anus. Ah. Oui, bah c'est ça, quoi. C'est ça, c'est quoi cette zone exactement, Doc? C'est l'anus. C'est l'anus. Ça s'appelle une muqueuse et c'est par là... Le trou de balle, on lèche le trou de balle. C'est par là que passent les excréments. Alors, Mathéo, quelle est ton expérience, tu nous as dit? Alors, moi, mon expérience avec Katoche, c'est... Mais attends, laisse-le raconter, Doc. Il n'y a rien fait avec Katoche. Qu'est-ce que t'en sais, j'en suis certain. Il y a 10 ans, tu connaissais Katoche? Eh ben, non, Mathéo, à 10 ans, il avait 7 ans. Non, c'est pas possible. Mais je sais pas, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, non. Il y a 2 ans, non. Bon, Mathéo, qu'est-ce que t'as fait avec Katoche? Bon, c'était pas avec Katoche. En fait, une fois, je suis tombé sur une meuf. Elle s'est vraiment deg, hein. Mais elle voulait que je lui fasse des trucs par l'arrière. Sauf que la meuf, juste avant, elle avait été aux toilettes et elle s'était mal essuyée. C'était grave gore. Oh, ah, mais qui fait ça, sérieux? Mathéo, sérieux, comment tu peux nous dire mais ça? Mais non, c'est fou. J'ai cru qu'il allait me dire, elle m'a pété dessus. T'as bah dit... franchement, ça aurait été mieux. Là, c'est encore pire. Mais grave. Elle s'était mal essuyée. C'est une émission qui casse l'érotisme. Non, mais je te jure qu'après, j'avais même plus aucun plaisir pour elle et je l'ai envoyé chier, mais... Non, mais c'est pas... Bah, justement, elle en venait. Ouais. Ça n'existe pas. Personne n'a vécu ça, sans déconner. Mais non, puis attends, une meuf qui te dit « je veux une sodomie alors que je viens d'aller chier et qu'en plus, je sais pas m'essuyer ». Attends, qui fait ça? Lorenzo. Bon, ça, c'était l'expérience de Mathéo. C'est ce qui s'appelle se faire emmerder. Ah ouais. Tu veux savoir comment on fait un anulingus, c'est ça, Lorenzo? Tu veux savoir quoi? Ouais, dans un sens, ouais. C'est quoi? C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines que je suis avec un plan cul. Ouais. Et au fur et à mesure des semaines, elle commence plus à descendre vers les fesses, en fait. C'est elle? Ouais. Elle veut te lécher le cul? Elle veut plutôt que je lui lèche le cul. Parce que elle a commencé à savoir si j'étais d'accord pour qu'elle me mette des doigts dans le cul, on va dire. Donc pour essayer, j'ai dit ok. Et bon, attends. Comment ça s'est passé? T'as aimé et tout, les doigts dans les fesses? Bah, bof, en fait. Ah, c'est pas top. Ouais. C'est particulier, hein. C'est ça. Et c'est de quoi il parle, hein. Non. Ouais, on avait l'impression, hein. Oui. C'est particulier. T'as l'air d'avoir eu ta petite expérience. Je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai dit. Non, une fois j'ai essayé, parce que moi il y a rien qui passe dans mes fesses. Et une fois j'ai essayé. Et avec ton propre doigt? Non. hein, avec le doigt d'une amie. Hein, voilà, le mec prend le doigt d'une meuf pour se caler au cul. Elle t'a donc mis un doigt dans le cul. J'ai essayé. Et franchement, j'ai pas moyen. J'avais envie de fermer mon anus. Hein. Tu vois, je ne pouvais pas. C'est le réflexe normal. Oui. Bah ouais, non, mais voilà. Après, il paraît que, voilà, Doc, les homosexuels, par exemple, pratiquent souvent ça. Et on peut toucher la prostate de son partenaire. Oui, par exemple. Oui, mais ça, c'est une. Oui, bon. Oui. C'est à l'intérieur, voilà, quand on met bien le doigt dedans. Enfin, mais là, franchement, il s'agit d'un ulingus. Qui pue après, pareil. C'est pas possible. Oui. Ah bah oui. Oui, bien sûr, ça sent la merde. Oui, voilà, c'est ça. Tu la cherches, tu la trouves. Hein. Parce que Lorenzo, t'es bien. Enfin voilà, et là, si elle te lèche l'anus, enfin voilà, c'est. Mais non, c'est lui qui va lui lécher l'anus. C'est ça, son contraire, c'est que moi, ça m'a pas trop plu. Mais et maintenant, elle veut carrément que je lui lâche le cul. Est-ce que t'as envie? Oui. Ben non, j'ai pas trop envie. Eh ben tu dis non. Ah bah elle fait voilà. Il y a des poils et tout, c'est un peu dégueu en fait. Qui l'a déjà fait dans l'équipe? Qui l'a déjà fait? Kassim, tiens, au hasard. Alors, Kassim. Ah oui, t'y vas. T'aimes pas ça, hein? C'est pas que j'aime pas ça, c'est que. En fait, c'est comme un bon fromage. C'est que, en fait, ah ouais, c'est comme ça, ouais. Ça peut puer, ouais. Mais ça a bon goût. Et quand t'es dedans, après, c'est l'extase. Et quand tu vois la meuf qui kiffe, tu fais quel fromage cool, quel fromage en particulier? Ah bah là, on est sur du foujou. Le foujou, c'est un fromage ardéchois qui pue de. Et c'est quoi il parle, hein? Il en mange au petit déjeuner tous les matins. Ah, bien sûr, on est sur du foujou. Ah ouais. Et voilà. C'est quoi, ce fromage? Les chiens nanus, c'est comme manger un bon foujou. Exactement. Et ben voilà. Lorenzo, tu sais quoi? T'achètes du foujou demain. Hein, tu vois si ça te plaît, ça te plaît pas. Et du coup, tu pourras dire je pourrais lécher ma partenaire. Je sais qu'il y a beaucoup de lèche-cul dans la vie, mais enfin, ce point-là. Là, pour le coup, Lorenzo, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Mais d'accord. Tu peux toujours au moins essayer de donner du plaisir à ta partenaire et de lui faire plaisir, surtout, d'accord? Ouais, bien sûr, ouais. Okay. Ça, ouais. Ça marche. Lorenzo, si jamais il y a un petit accident, tu nous rappelles. Ok, ben pas de soucis, d'accord. Je pense à vous, ouais. Salut mon Lorenzo, embrasse ta chérie. Ouais, ça roule. Et salut à toi, on va accueillir Toulouse au téléphone, c'est Alexandre qui nous rejoint. Alexandre, il a 16 ans, bonsoir Alexandre. Salut. Salut Doc, salut Karel. Ça va Alexandre? Ça va très bien, j'avais une question à vous poser. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, j'avais des vêtements de femme et du coup c'était pour savoir si c'était grave ou pas. En fait. Mais attends, c'est des vêtements de femme, c'est-à-dire que tu prends ceux de qui De ma mère. Ah d'accord, ok. Bon, on va en parler dans un instant. On va voir quand et comment. Alexandre qui se balade avec les sous-vêtements de sa mère. On en parle dans un instant, il va savoir si c'est grave. Et on écoutera Don Diablo, What We Started, dans 3 minutes sur Fun Radio. Merci d'être avec nous, c'est la Vin Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant la Vin Fun Radio. On va te lire des débuts de tweets te concernant et tu devras en deviner la fin. Et pour t'aider, tu auras le droit à deux propositions. D'accord. Tweet de Clara 67400. Le truc avec Kinvé, c'est qu'il est tellement mignon quand il dort ou ridicule quand il danse. Bah, j'ai la réponse devant moi. Ah, c'est la réponse. Ah, Marion d'accord. Est en train de montrer le tweet avec Kinvé. Ah, j'avais pas compris. Il faut que je la mette après. Ne bougez pas les copains, on débarque à 22h avec du rire, des cadeaux, du sand and floor et une côte de bœuf parce que j'ai pas eu le temps de manger, j'ai un peu la dalle. Marion et Anso, 22h minuit. Night Show. Sur Fun Radio. Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Fun Radio. Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Loving Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio, c'est Love in Fun et merci hein, d'être avec nous. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. Nous, on s'éclate avec vous, hein, franchement, tous les soirs. Merci beaucoup d'être là. Encore des messages qui sont arrivés là. C'est une pluie de messages ce soir, Alice. Qu'est-ce que ça dit? On a reçu un message de Morgane qui est connectée sur le streaming sur funradio.fr. Elle dit: c'est la première fois que je vois Doc, Karel et Alice. Alors franchement, j'étais à côté de la plaque sur vos visages, j'imaginais pas du tout comme ça. Ah bah ouais. Alors je sais pas si c'est une déception ou une bonne nouvelle. C'est quoi, on va penser que c'était plutôt cool, hein? Mais oui, c'était bien plutôt sûr. Cool. Et un autre message de Mika qui nous dit: j'ai un putain d'accent et tout le monde se fout de ma gueule. Est-ce que c'est possible de gommer un accent? Ouais. Surtout, il faut l'assumer. Je pense qu'on a tous des accents. Et il est étonnant que les Parisiens et les gens du Sud se moquent des autres accents parce qu'ils les trouvent plus lourds, plus traînants. Voilà, mais bon, voilà, chacun exprime avec son cœur et c'est ça qui compte, c'est pas tellement l'accent, c'est ce que tu dis, tu peux le dire avec beaucoup d'émotion, y compris avec un accent. Ouais, et franchement, se moquer de l'accent de quelqu'un, c'est stupide. Non mais tu parles tellement bien, Doc. Tu sais quoi, à chaque fois j'ai envie de mettre Michael Jackson in the world quand tu parles. Il faut être fier de ses origines, fier de ce qu'on est. Et c'est vrai, pourquoi gommer un accent? Surtout pas. Mais tu vois qu'il y a Danny Boone, par exemple, pour donner un exemple, le mec c'est devenu une superstar. Et il est du Nord, il assume. Et comment tu fais le mec du Nord, hein? Alors, ça se joue sur juste un mot. Je veux un ch'ti. Je veux un ch'ti là maintenant sur Fun Radio. 0-1-42-48-5000. Voilà, qui nous appelle avec son bel accent du nord de la France. Oui. On va faire une comparaison avec Doc qui imite l'accent du Nord. Non, hein, c'est ça comme ça. Si. Bon, ouais, c'est comme ça, toi, l'accent du Nord. Là, vous êtes dans la caricature. Là, on est dans Bienvenue chez les Ch'tis. De ouf. Il pleut dans le studio. 0-1-42-48-5000. On veut du Ch'ti. On compte sur vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'écoute. Mais c'est d'abord, marrant parce que tu dis ça, mais le film a eu beaucoup de succès grâce à ça en particulier. Mais bien sûr. Ah oui. Et ça, je trouve ça excellent. Ne serait-ce que pour cela. Alexandre est avec nous. Il a 16 ans de Toulouse. Alexandre, c'est une autre dynamique, hein, clairement. Oui. Bonsoir, Alexandre. Oui, bonsoir. Bienvenue. Salut. Bonsoir. Alexandre, raconte-nous là, tu te poses une question par rapport à une pratique que tu fais de temps en temps. En fait, vous avez trouvé ça plutôt louche. Non. Mais quand ma mère, elle n'est pas là, quand je suis tout seul chez moi, je vais dans sa garde-robe et je vais me mettre des affaires belles. D'accord. Et je vais me regarder dans le miroir. Tu mets quoi? Je mets des robes, des talons et trucs comme ça. Des soutifs et des fois des sous-vêtements. Oui, des fois, et des fois, je m'amuse à aller en cours avec. Ah ouais, carrément. D'accord. Ouais. Donc, tu vas en robe? Non. Non. Bah oui, je vais... Non, on n'a pas en robe, du coup, je me mets... Mais tous les sous-vêtements. Les sous-vêtements, tous féminins. Les trucs comme ça. D'accord. Est-ce que cela te procure un plaisir, voire une excitation? Non. Ah non, une excitation. Ah, parce que les sous-vêtements de sa mère... Oui, on ne sait jamais. Mais est-ce que le fait d'être un homme te gêne? Comment ? Est-ce que le fait d'être un homme, car tu es un homme, n'est-ce pas, te gêne ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut faire partie des fantasmes ou des pratiques. Dans la mesure où ça gêne personne, personne n'a à juger. Il y a des garçons qui vivent ça comme ça, c'est une fantaisie, pourquoi pas. Voilà, tu embêtes personne avec ça, ça te regarde et rien de dramatique. T'as des copains, tu t'amuses, tout va bien. Oui. T'as des petites copines aussi à ton âge, 16 ans, non? Oui. Voilà, bah, c'est tout. Si la petite copine n'est pas gênée, je vois pas le problème. Ouais, non, mais alors moi, perso, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas, quoi. Je veux dire. Le jour, je t'ai vu en talon aiguille. Et... Oui, non, mais ça, Doc, c'était une petite soirée improvisée, tu vois. On était avec Alice. Enfin voilà. Ah, Alice, t'as déjà mis les slips de ton père? Bah écoute, aujourd'hui j'ai même le pull de mon grand-père, donc tu vois. Non, moi c'est. Ouais, j'ai. Non, c'est le pull du dimanche. Ouais, c'est le pas pull pareil. Du dimanche. Mais c'est quand même le pull de. Ouais, ça fait un peu pull de grands-parents, quoi. Ouais. Mais ouais, enfin. Moi ça me choque pas plus que ça. Après, je pense que c'est un délire. Hein. Il y a plein de gens qui se déguisent. Je pense que c'est plus le côté déguisement que le côté. Le fait de porter des vêtements de femme. Oui, c'est aussi très à la, ça a très à la sexualité. Je pense que t'aimes évidemment. Faire des personnages, des trucs comme ouais, ça. Ouais. C'est peut-être ça qui joue. Mais si ça. Perturbe pas tes relations amicales, tes relations affectives, si ta sexualité n'est pas entachée par cela, je ne vois pas où est le problème. Mathéo, ouais. Notre auditeur du soir, c'était déjà arrivé, toi, de te mettre un petit soutif de maman? Alors non, pas du tout, mais alors moi, mon kiff, ça serait quand même d'avoir la bite à Cassim. La quoi? La bite à Cassim. Ben, ça tombe bien, elle est en vente sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, on l'a mise... Elle est trop usée, laisse tomber. On a fait une grosse réduction. Hein. Ah oui, non, mais tu dis ça parce que tu l'as jamais vue, Mathéo. Bah non, mais d'après ce que vous dites et tout, elle est super grosse et tout, voilà. Mais tu sais, les garçons se vantent, ils commencent un peu à exagérer. Mais non, mais Cassim, elle a une vieille bite filée, ça se voit. Je me souviens jamais avoir dit qu'elle était grosse, hein. Je me souviens plutôt avoir dit le contraire, mais bon. De toute façon, je vais te la foutre dans le cul, tu vois, ça va être tout drôle. À qui, s'il te plaît? Bah l'auditeur. Ah d'accord, à Mathéo. Eh ben Mathéo. Écoute Mathéo, c'est cadeau. Tout de suite, ah bah, je pensais que c'était pour moi. Je pensais que c'était pour moi. Tu accueillais ça avec un certain plaisir. Tu sais, hein, au point où on en est. Alexandre, je te fais une grosse bise en tout cas. J'espère que t'es rassuré, tu vois, ça n'effraie pas Doc. Hein. Par contre, mec, te fais pas griller au bahut parce que sinon là c'est terminé quoi. Si le gars est aussi bas. Des fois, je me mets du rouge à lèvres et tout comme ça. Et après, je commence à muer, donc du coup... Ouais, non. Ne te fais pas griller non plus par ta mère. Je ne suis pas sûr qu'elle apprécie la plaisanterie. Ouais. Oui. Bah ouais. C'est pour ça que je range tout bien comme c'était. Ouais, il s'agit de ses vêtements quand même. Bah oui, carrément. On va éviter de tout taxer. D'accord, Alexandre? Ouais, merci. Bisous, salut. Bisous mon Alex. Dans un instant, on sera avec le nord de la France, comme promis. Je suis amusé à parodier. On va avoir un vrai ch'ti avec nous. 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est dans le sud de la France, voilà, qui veut tout simplement venir avec son accent, n'hésite pas aussi à nous appeler. 01 42 48 5000. On a le temps d'écouter Don Diablo et Steve Aoki. On revient juste après. C'est Fun Radio, Love in Fun. Remember when we were young, breaking every rule they made. I never changed what we done, it made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are. A new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know. We'll be right back. Don Diablo et Steve Aoki sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h-22h. Avec Doc, Karel et Alice. Jusqu'à 22h tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio et 01 42 48 5000. On parlait de bah voilà des accents qu'on peut avoir en France. C'est vrai que l'accent du Nord est particulièrement bien marqué. Et tu nous disais Doc qu'il fallait être fier de ses origines. Oui, on nous avait posé la question comment masquer son accent. Mais faut pas masquer, faut être fier de ce qu'on est. Surtout pas. Après, c'est vrai que en animateur radio, parfois, t'as certaines personnes qui vont te dire ouais, ce serait bien qu'on entende un petit peu moins ton accent. Mais je pense justement que l'accent, c'est toi, quoi. Donc, si t'es pas toi à l'antenne, ça peut pas marcher. Bon, ça, c'est mon avis. Denis est avec nous. Il a 19 ans et il nous appelle du nord de la France. Tu nous appelles d'où, Denis? Qu'est-ce que ça dit tout le monde? Moi, j'appelle le Berg. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Alors tu vois. Ah bah oui. Ah bah là, on a un accent. Mais t'en rajoutes là, Denis, non? Non, tu parles comme ça. Il parle ça avec beaucoup de. Non. Vous savez, on va tenter une expérience, hein. Enfin, une expérience qu'on vit quand on va dans le nord de la France. On va accueillir également Jessie, 19 ans. Dénain Beaumont, c'est ça, Jessie? Ouais, c'est ça. Bonsoir, Jessie. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Kevin de Lille. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, tout le monde, là. Je suis tellement content de te voir. C'est quoi cet accent? Canadien. Ben, moi, je viens du Nord, mais je viens un petit peu du Nord du monde, tu vois. Pas forcément du Nord du monde. Ouais, du Canada, c'est un Canadien. Denis, Jessie et Kevin, on va vous laisser tous les trois et vous allez faire connaissance. Allez-y, discutez, les amis. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Moi, ça va bien, toi? Ouais, moi, ça va bien. Moi, je suis tellement content de. Il fait quel temps à Lille? Coupez la radio. Il fait pas très beau ce soir. Il pleut. C'est l'avion. Et sinon, comment va ta sœur? Elle va bien? Bah ouais, elle va bien. Et la maman et tout? Bah tout va bien, tout va bien la maison. Tout va bien et vous? Ah bah ça va, moi je mange un petit peu de maroilles là et de ma carotte. Denis, t'as un cliché sur pattes, Denis, là, sans déconner. Denis, t'es vraiment du nord de la France, tu nous appelles d'où, toi? Non, moi je m'appelle de Berck, moi, parce que le film a été tourné. Bienvenue chez les ch'tis dont on parlait. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette imitation de l'accent ch'ti de Doc tout à l'heure? C'est pathétique. C'est pas. Il le dit sans accent. S'arrêter là-dessus, Doc. J'en étais sûr. Je n'ai pas parlé. Je remercie Mathéo, notre auditeur du soir. Mathéo, 17 ans de Châteauroux, t'as été au top, Mathéo, ce soir. Merci beaucoup. Et juste, Karel, je voulais juste vous dire, ouais. Fun Radio, vous êtes vraiment au top. Vous mettez en avant vos auditeurs et tout, en faisant l'auditeur du soir et tout. Franchement, vous êtes la seule radio à faire ça et vous êtes vraiment génial. Merci Mathéo. En même temps, t'as raison. Hein, mais on est géniaux aussi. Hein, bah oui, bien sûr. Hein. Gros bisous, Mathéo. Et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. J'embrasse Denis, Jessie, Kevin. À bientôt, les ch'tis. Salut. Bisous. Salut. Allez, vas-y. Ouais, je fais une dédicace déjà à ma chérie Césarine, à mon Cébou, et encore à toute la bande, à tous mes petits fils de pute. Bah, okay, bisous. Voilà. Belle bande. Un peu d'amitié, ça fait plaisir. Gros bisous. Ciao. On va retrouver Marion et Anso, le night show qui va commencer. Nous, on elles va sont se là déjà. Radio. Oh, c'est incroyable, vous êtes là, les filles. C'est eh oui, bah oui, hein, comme tous les dimanches. C'est possible. Elles sont arrivées, elles sont là, elles sont en direct aussi. Elles se téléportent. Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, les filles. Ça va? Ouais, ça va. Bon, je peux passer une dédicace moi aussi? Ouais, vas-y. Alors, tu veux faire une dédicace à qui ce soir? Bah, une dédicace à Karel, l'un des meilleurs animateurs radio de France. Oh, mais la chaudasse! Bah, pas du tout! Je lui fais un compliment sur son travail. C'est et t'as vu la voix que tu prends? Bah, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Merci, Doc. Ah là, non, c'est limite. Tout à l'heure, on était aux toilettes avec Anso et j'ai essayé d'ouvrir. C'est vrai, il arrive à ouvrir le loquet des toilettes. Tu sais ce qu'il m'a fait la dernière fois? J'étais aux toilettes, il faisait un snap. En disant, regardez, c'est Marion qui fait pipi. J'ai pas l'air. Tu veux pas pipi, c'est ça, mec. Karel, là, dans ces cas-là, c'est le comble de l'érotisme. Mais il a un problème, ce gars. Bah, oui. Non, mais je retire ma dédicace. Moi, bon, je vais rentrer chez moi, je vais s'oublier cette soirée. Salut les filles, ciao, à demain. Welcome to the night show! Marion. et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Oui, j'ai envie de te dire bonsoir la France. Par contre, Thibaut, c'est pas possible. Hein. Tu m'envoies tout, tu m'enlèves tout de suite. Amour, gloire et beauté, c'est un enfer. C'est horrible. Ça, c'est le genre de chanson horrible que t'as dans ta tête après tout le temps. Tu t'endors avec. Ouais, mais moi, ça me fait plaisir de réécouter ça. J'aime bien. Bon, bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue Marion et Anso, le Night Show qui démarre ce soir pour une nouvelle semaine en direct de 22h à minuit, du dimanche au jeudi. Bonsoir Marion, petite femme de mon cœur. Bonsoir Anso, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ça va ? Ouais, bah très bien. On a passé la journée ensemble avec toute l'équipe. On s'est marré aujourd'hui, on a fait la Danone Nation Cup 2016. Franchement, c'est énorme, c'est la Coupe du Monde des enfants. Ouais. Et il y avait plein de petits partout. C'est l'Allemagne d'ailleurs qui a gagné, on les félicite, face au Japon. Ouais, c'était impressionnant, c'était au Stade de France. On avait lancé un défi aux Twins, les danseurs. Oui. Et donc voilà, ils l'ont relevé. Et c'est, on a passé un moment très sympa. Bah, de toute façon, on a tout filmé. On va vous faire la vidéo d'ici demain ou après-demain là, parce que franchement, il y a du taf, mais vraiment très sympa. Ouais. Voilà. Et puis bah, sinon, week-end tranquille. Danse avec les stars, j'imagine. Danse avec les stars, teuf. Ouais. La vie, quoi. Pas mal, hein, Danse avec les stars. Hein. Ouais, pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Mais chaque fois, j'oublie son nom. Motte. Ah, Florent Motte. Ouais, Florent Motte, pas sexy, mal. Hein. Ouh là là là. Et Camille Lou, elle danse quand même très très bien aussi. Hein. Ouais, et il faudra qu'on revienne aussi sur Koh-Lanta parce que épisode de malade vendredi soir. Hein. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Il y a eu du lourd. Julie, je t'aime. Si tu écoutes cette émission, t'es la bienvenue. Elle est folle, mais elle est géniale. Oh, oui, c'est elle est folle. Bon, grosse émission ce soir. On va parler de télé si vous avez envie. N'hésitez pas à Koh-Lanta, Danse avec les stars. 01 42 48 5000. Non, pas Amour, gloire et beauté. On va se faire tout à l'heure une session de Tu préfères. On aime bien ce jeu. En gros, vous nous imposez deux choix. On doit choisir entre deux solutions un peu compliquées, des trucs un peu crades, un peu salaces. N'hésitez pas, pareil, numéro gratuit 01 42 48 5000. Et ce soir, attention, ça démarre toute la semaine, on va vous offrir un cadeau de malade. C'est un pack PlayStation. Dedans, vous avez la PS4, vous avez 11 jeux, vous avez deux moves et vous avez surtout le casque VR. Et la caméra. Mais c'est pas ouf. Non mais c'est génial. Moi je l'ai testé la VR. Ouais. Je l'avais testé l'année dernière à la Paris Games Week. C'est incroyable. Et là c'est encore mieux parce que t'avais fait la version bêta toi. Ouais, voilà. Mais c'était ouf hein, déjà. Ouais. Et les 11 jeux les gars quand même. Enfin le pack plus de vie, mais le pack sympa quoi. Ça va se gagner ce soir dans le Je te demande pardon ou le Poké Lost. Vous pouvez déjà vous inscrire là 01 42 48 5000. Du son aussi. On va écouter Tove Lo ce soir. Hein. Amant. Oui, c'était faux ça. Oh, elle dit ça. I'm a cool girl. Parce qu'on est tous des cool girls. Et puis on va écouter aussi Robin Schulz. Il est tellement bon ce titre. T'as, voilà. Ces genres de sons, tu l'écoutes, tu souris. Ouais. Comme un débile, mais t'aimes ça. Ah, tu kiffes. Et ça le fait avec le dimanche soir en plus, je trouve. Ouais. Tout à fait le genre de son que j'ai envie d'écouter. Pour faire cette émission, l'équipe de dingue, évidemment, la testostérone avec Amir des réseaux sociaux. Bonsoir. Ouais, salut les filles. Janine Hormone. Bonjour la France, bonjour les Antilles, bonjour tout le monde. Ça va ou quoi ? Vous avez passé un bon week-end ? Bah écoute, ouais, très bien, franchement. Ouais, cool. Ça avait l'air d'être le feu en tout cas. Bah ouais. Anso ? Ah si, mais moi c'était le feu, mais vendredi j'ai fait une teuf les gars, j'ai l'impression que je vais jamais m'en remettre. Eh bah, sachez que moi aussi j'ai passé un bon week-end. Bon, je suis sorti tout le week-end déjà. Et t'es allé voir Iliès aussi ? Je suis parti voir Iliès Jadel, humoriste qu'on avait reçu. Jeudi soir, c'est ça? Oui. Non, mardi. Non, mardi? Oui. Oh merde. Non. Ok. Et bah, vous savez quoi? Et bah, c'est un pur kiff. Il est bon, vraiment très drôle. Et bah, cool. J'étais tout devant dans la scène. Il était tout devant. C'était rempli, 95% de meufs, je vous le dis. Ah ouais? Ah, direct. Et tout le monde gueulait son prénom. Le mec, il fait des vannes et tout. Je pense que c'est bon. On a signé le futur Kev Adams, ça. Ah ouais? Ah, okay. C'est sûr. Non mais vraiment sur scène les filles, il est vraiment très très bon. Bah mais en tout cas il est hyper cool donc. Et puis on te fait confiance. Oui. Ouais, allez-y. Il est en tournée dans toute la France, j'en profite parce que j'avais dit que je le dirais aussi. Il est en tournée dans toute la France et je crois qu'il y a plein d'infos sur Melty et sur son snap Iliès Jadel. Bon. Et ben si vous voulez des informations sur les spectacles à venir, Amir est sur les réseaux Marion Enso, il vous répond hashtag le Night Show partout là sur Facebook, sur Snap, on essaie de vous faire des snaps, on vous a fait vivre l'événement de cet après-midi au Stade de France. Allez-y, c'est Marion Enso. Bonsoir Thibault Larrea. Coucou les filles. Ça va toi ? Ça va, bah en fait ça va là, mais ce week-end j'ai l'impression d'être malade, j'étais pas bien quoi. Oh, et allez ! Quoi bébé ? Bah en fait j'étais juste en manque de vous visiblement. N'importe quoi, il est allé faire la teuf avec Adrien Thomas en Auvergne en plus, j'ai vu tes snaps. Hein. C'était ouf, la soirée de malade. C'est dingue. Ah d'accord, bah là le mythe tombe. Moi je t'imaginais dans ton lit en train de nous pleurer. Et en fait il était avec Adrien Thomas. Super, Thibault Larrea. C'était cool. Bon bah alors là celui que je vais vous présenter ce soir il est stressé. Il est stressé parce qu'il passe son permis moto cette semaine, il veut pas dire quand. Bonsoir Enzo. Bonsoir tout le monde, ça va ? Oui, ça va, t'arrêtes pas de réviser, ça va bien se passer, t'inquiète. C'est vrai, je stresse un peu d'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire des massages. D'accord, bah t'arrives mec. Eh ben appelez-nous. Ouais, l'équipe avant. Alors, je te propose éventuellement Yannick du standard. Ah Yannick. Ouais. Non, non. Bon, pourquoi il est pas chaud. Yannick, présente-nous s'il te plaît le premier auditeur de ce soir. Eh ben c'est Hélène, elle a 36 ans, elle nous appelle de Strasbourg et elle a une belle nouvelle à nous annoncer. Ah. Oula. Ça sent l'instant beurre. Hein. Ouais, ça sent la meuf enceinte. Bonsoir Hélène. Salut les filles. Ça va Hélène? Eh ben ça va nickel, je suis ravie de vous avoir au téléphone, c'est trop bien. Eh ben ça nous fait plaisir aussi, alors c'est quoi cette grande nouvelle? Alors en fait, pour t'as un peu deviné, ça fait un peu plus d'un an qu'on galère avec mon chéri. Et enfin, ce week-end, j'ai appris que j'allais enfin avoir un bébé quoi. Ah oui. Énorme. Ah c'est trop donc, mignon. En fait, voilà, j'avais trop envie de partager ça avec vous. Enfin je suis partout dans les airs, dans les nuages. Et attends, et Hélène, comment tu l'as annoncé à ton mec? Est-ce que t'as fait une mise en scène particulière ou est-ce que tu lui as dit comme ça, je suis enceinte? Alors en fait, j'ai fait mon test et je suis descendue. Il était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. C'était trop chou. Et là, je m'approche, il me dit ça va? Je fais ouais. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Bah je dis je crois que tu vas être papa. Ah oui. Énorme. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Ah, c'est cool. Il y a des nanas mal. Comme ça avec les tests de grossesse qui les emballent dans un paquet cadeau et qui les donnent à leur mec. Moi, je trouve que c'est toujours un peu chelou parce que tu fais pipi dessus quand même. Ouais, donc, c'est un peu chelou grave. Ah, je sais pas, c'est fermé après, tu remets un petit capuchon. Ouais, je sais pas, mais bon. Ouais, non, mais c'est bien. Tu as fait soft, efficace et on est super heureux pour vous. Félicitations, vraiment. Merci. Du coup, tu as le choix. Si c'est une fille, Marion ou Anso, si c'est un garçon, Amir, Thibaut, voilà. Yannick. Amir, c'est bien. Ouais. Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? À réfléchir, mais j'aime bien Thibaut aussi, j'aime bien. D'accord, mais on est d'accord, si c'est une fille, Marion, Anne Sauce, trop long. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Voilà. Ouais, non, parce que si tu l'appelles Anso, au moins tu seras sûre d'avoir une fille avec une frange toujours impeccable. C'est ça le truc. Tu parles. Et bien sûr, de l'ironie. C'est terrible. Bon. Hélène, sois heureuse, on t'embrasse, embrasse très fort ton amoureux. Merci, et prends soin de toi. Bisous, ma chérie. Merci. Salut. Oh bah quand ça commence comme ça, moi je suis tout émoustillée. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire aussi. Non, je rigole. Ah bon. Non, mais...